je pense qu'on va tout arriver. Tu crois? Je pense qu'il va falloir en tout cas s'y mettre. Bon. Bah écoute. Hey. Hey, pas mal. Et donc? Mais, dis-moi Bob. Oui Jack. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, n'as-tu pas entendu un bruit bizarre quand nous avons trinqué? Non, j'ai pas entendu de bruit bizarre. Retrinquons. Goûtons, c'est faux. Oui. Non, je trouve qu'il manque un bruit. Il manque un bruit? Ouais. Tiens. Tiens, c'est bizarre. C'est... Joe? Ah. Joe? Eh ben non. Eh ben non, pas de Joe ce soir. Ah bah dis-moi. Ah bah, du coup, faut que je change toutes mes intros, comment vous allez, tout bah ça. Voilà, c'est ça. Ah, mince. Okay. Comment allons-nous? Ouais. Bah, comment avons-nous passé cette semaine? Attends, déjà, bienvenue dans ce 7e épisode de Road to Hellfest. Et je voulais faire un générique et tout, et je l'ai pas fait. Mais il serait temps. Mais je sais bien, j'avais eu l'idée, un truc sympa, et en fait, je savais pas trop comment le. Et puis t'as bossé. Donc du coup. Voilà. Donc j'ai pas trop avancé. Donc voilà, c'est le 7e épisode. Malheureusement, dans la bagarre, nous avons perdu l'un des nôtres. Voilà. Mort au combat. Et sur le champ de bataille. Oui, pas le champ d'honneur comme t'as dit. Non. Donc Joe n'est pas là ce soir. Il nous a fait faux bond. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et du coup, comment allons-nous? Eh ben, nous allons bien. Avons-nous passé une bonne semaine? Eh ben, nous avons passé plutôt une bonne semaine. Et courte, bien, hein, mais. Ah oui, c'est pas faux. Et en week-end. Eh bien, oh, car monsieur fait le pont. Exact. Eh ben, vous avez bien de la chance. Et ouais. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais t'as pas de bol, toi. Pas de vacances, pas de pont. Quoi ce taf? Écoute, ça s'appelle la vie, mec. Ah ouais, pas de... C'est pas ça, la vie, mec. Oh, j'ai pas le temps de m'arrêter à ça, moi. Se reposer, c'est des trucs... C'est pour ceux qui veulent se reposer. C'est pour des trucs, pour des gens qui ont le temps. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu un mec au boulot ce matin, il m'a dit « t'as l'air fatigué, t'as des grosses cernes. » Je lui ai dit « J'ai envie de pleurer. » C'est pas des cernes, c'est des réserves de larmes. C'est des trucs de larmes. Voilà. Bon, bah du coup, c'est bon, Joe est pas là. Il doit être sûrement quelque part en train de boire des bières, accessoirement pour la petite histoire avec quelqu'un qui a déjà été au Hellfest, mais ça aurait été sûrement trop compliqué d'être tous ensemble dans la même pièce. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas non plus passer notre émission à revenir sur son absence, car il n'est pas là, et on en parlera dès que possible. Voilà. Donc, c'est prévu. Nous avons quelques news ce soir. Tout à fait. Que nous allons nous répartir à deux. Hey, ça en fait carrément... Presque. Ouais. Alors, je te propose de commencer par... Le recevage... Et oui, en plus ça, c'est quand même le truc qu'il a attendu le plus que tout. Attends. Ça y est, je pense qu'on peut le dire. Je pense que tout le monde l'a vu sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Voilà. La cashless est arrivée. Sur certains groupes. Donc, alors, il est important. Moi, je vais d'abord dire mon ressenti. Et je laisserai après Bob s'exprimer, mais il est important pour moi de vous dire que quand je l'ai vu en photo, je l'ai trouvé horrible. Voilà, je fais mon Dieu, je préfère celle des éditions passées. Mais quand je l'ai reçu dans le packaging et que je l'ai vu pour le coup vraiment, et là j'ai dit non, elle pète quand même, elle pète la classe. Mais surtout que d'habitude c'était dans une lettre pliée en trois avec un plan et deux, trois informations. Là, le packaging est classe. Mm. La carte est superbe. En plus, elle est à moitié avec du relief. Non, elle est vraiment... Elle est tellement stylée que Bob peut en témoigner. Je ne l'ai pas détachée. Oui, bon, je l'ai détachée, mais je l'ai rattachée. Ah, tu vois, donc... en plus, c'est vachement bien fait parce que dedans, il y a effectivement tout ce qu'on a déjà pu évoquer, à savoir comment l'accréditer, comment l'utiliser, savoir qu'on peut la bloquer. Et il parle même des anciennes cartes de 2015 et de 2016. Et voilà, donc franchement, c'est propre, c'est nickel. Et c'est un petit peu, je trouve, à l'image de, j'ai envie de dire peut-être de cette année ou de ce qu'ils ont l'air de montrer, mais vraiment un truc de plus en plus soigné, je trouve. Ouais. Et voilà, donc pour... Et derrière, une pub pour Arte Concert un peu dégueulasse. Mais bon, C'est le derrière, on s'en fout. C'est le derrière, c'est dégueulasse. Voilà, c'est toujours un peu ce qu'on dit. Je peux me permettre, j'ai cru... sans trop m'avancer, relever une petite erreur. Sur je crois, j'ai perdu ma carte, que faire? En cas de perte ou de vol, munissez-vous du ticket de caisse qui vous a été remis lors de l'achat, de chargement, machin, truc de tac. Sauf qu'on a un ticket de caisse pour le... Bah, c'est peut-être l'équivalent de la facture internet, peut-être. Ça, bah, peut-être qu'ils... En fait, imagine que ça, en fait, c'est le package qu'ils vendent sur place. Donc, du coup, ils te donnent un ticket de caisse. Et c'est, bien voilà, sûr. Je suppose voilà. que c'est pour ça. Ouais, mais effectivement, ça sonne un petit peu rigolo quand on le dit comme ça. Bah, tout à fait. Donc, voilà. Donc, avant de poser des questions... Non, mais c'est... Autant pour moi. Non, mais peut-être, faut voir si la facture fait office de. Ah, bah, c'est sûr, dans ces cas-là, si. Donc, pensez à ressortir vos factures, du coup. Voilà, ouais. C'est important de. Voilà, c'est à titre. Bah, c'est pour vous filer un coup de main, quand même. Hein, c'est vrai que c'est. Je dis pas que des conneries. En fait, c'est vraiment. Non, c'est vrai que c'est pas cool parce que jamais j'aurais pensé à emmener mon truc. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, peut-être que un coup de téléphone, enfin, tu sais, une. Oui, tu peux la retrouver sur. Sur l'internet. Ouais. Surtout qu'il y aura la fibre et que. Mais au cas où, voilà. Si vous avez pensez à sortir votre facture. Oui, est-ce qu'on est à une impression allez, on n'est plus à une impression près, il n'y a plus d'arbres dans les forêts de toute manière. Non, il n'y a que du papier, des ramettes. Exactement. Donc, bon. Et tu n'as pas dit comment tu l'as trouvé, toi. Désolé, je suis en train de. De te délecter. Oh, c'est vrai. De te gouler. On n'a pas dit ce qu'on buvait. On boit de la bière. Oui, c'est ça. De la triple d'Anvers. Et pourquoi de la triple d'Anvers? Parce que j'ai lu quelque chose dessus qui m'a fait rire. Alors c'est où parce que non. Cerveza, non, c'est pas ça. Pas du tout. Non, elle est insolente et exubérante. Ah, d'accord. Voilà, c'est un petit peu à mon image. Oh, oui, bien sûr. Tu es coquine et mutine. Donc tu n'as pas dit ce que tu en pensais. Non, mais je la trouve super dans la carte. J'aime bien ce petit relief. Puis bah, je crois qu'en plus là, c'est la première qu'ils font en. Ils la font pas en paysage, tu vois. Ah oui. En horizontal, ils la font en vertical, ça change. Je trouve qu'elle a une belle petite gueule. C'est vrai. Attends, je la. Oh, non, fais pas ça. Par contre, je voulais juste, ça c'est un avis personnel, c'est que le premier mec qui l'a reçu la poste sur Facebook pour dire je l'ai reçu, le deuxième aussi, le troisième, pourquoi pas. Bon, après ça suffit, hein. Sauf si le mec il en a une qui a un défaut. Là, ouais, c'est oui, voilà, stylé. Ouais. Genre, elle est pas du tout de la même couleur, elle est bleue. Ouais, là, ça serait cool. Ça serait cool. Mais c'est ou bon. Il reçoit une carte de l'année dernière, par exemple. Tu vois, ce serait ça y est, reçu. Tu vois, là, je trouverais ça. Le mec aurait pu le troller, tu sais. Ah, ça y est, ouais. Non, mais parce que sinon, après, c'est ça, bon. Ouais, ça, c'est pas bon. On en a vu une, on les a toutes vues. Bah, voilà. Puis, et on comprend que vous soyez contents, hein, c'est pas ça, mais c'est juste, voilà, ça fait un peu poster pour poster après tout. C'est un podcast libre de droit. Exactement. Donc on peut merci dire... Jack pour cette précision. Voilà, ça me tenait à cœur. Voilà pour cette première news. Que je trouve sympa, ma foi. Bah, ça fait plaisir en tout cas de l'avoir déjà. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'avais totalement confiance. Hein. Ah bah, moi, on a fait les deux autres. On n'a eu aucun problème. Aucun. Moi j'étais complètement. Je sais pas pourquoi on aurait eu un problème cette année. Voilà, moi non. Et c'est tu vas faire le préciser. Hein, c'est important de dire qu'on peut avoir confiance. C'est vrai. Pour les sceptiques. Et les autres. Et les autres, bien sûr. Les vrais comme les faux. Donc, du coup, t'as du mal à démarrer ta nuit. Totalement, j'étais en train de la chercher en fait. Parce que j'ai écrit beaucoup de choses. Et du c'est coup, ça qui est bien. Et donc, ma news à moi, c'est la revente et des passes. 3 jours, je vais me connecter vite fait. Qu'en est-il? Eh bien, comme chaque année, pas comme chaque année, non, ils l'ont fait l'année dernière aussi. Ah bon? Et je crois pas qu'ils l'aient fait en 2014, je crois qu'ils ont fait... 2016, pardon, donc 2015, je crois pas qu'ils l'aient fait en 2015. Ils revendent un certain nombre, l'année dernière, je crois que c'était 1000, si je me suis... 1000 quand même? Ouais, je crois que... Ah, ouais, je crois que c'était 1000. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et voilà... c'est pour lutter principalement contre la revente abusive de certains connards, de profiteurs et certains petits malins qui réclament des mandats cash pour t'envoyer un pass fantôme. Allez, il y en a énormément. Je tiens à préciser, pour notre part, ça nous est arrivé une fois d'acheter un pass sans... Bah, voilà, c'était sold out. On a acheté un pass à une personne très sympa de la Somme qui nous a vendu 2 passes parce qu'on en avait acheté 4. Et des fois, il n'y a pas que des arnaques aussi. Il y a des gens très sympas qui vont au Hellfest et qui je me souviens, te font en plus, partager je, leur je location. Il me semble que c'était genre juste avant le ouais, Fest. Ouais, ouais, carrément. Et qu'ils ne t'avaient même pas vendu plus cher. Ou y avait non, non, c'était le prix pile poil. C'était juste vraiment parce qu'elle avait fait une erreur sur, voilà. Sur la commande. Quoi. Du coup, elle a dû la sentir passer, cette erreur. que quand je... Ouais, ouais, complètement, ouais, c'est clair. 800 boules comme ça, ça fait un peu mal, quoi. Non, mais c'est vachement bien ce que tu fais de le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, à tous les concerts, partout, il y a de la revente de gens qui essayent de se faire de l'argent, mais il y a aussi quand même énormément de gens qui prennent leur passe avant, pour être sûr, et au dernier moment, bah, même ça peut arriver à tout le monde d'avoir des empêchements, et du coup, qui essayent juste de le revendre. Et moi, ce que j'ai été surpris, en fait, quand j'ai vu la news, parce que la news est d'aujourd'hui, c'est comme ils ont un service de revente, ça veut dire qu'à l'intérieur du service même, il y a des gens qui viennent foutre la merde, alors. Parce que... Non, parce qu'en fait, il y a... Bah, je sais pas trop comment ça marche, mais ceux qui veulent revendre vraiment leur pass, c'est bien connu maintenant, c'est The Pass. Bah oui. Hein, c'est le site officiel et le seul sûr, ouais, qui 100%. Est recommandé par Hellfest Open Air Festival. Faut éviter de passer par tout, voilà, toutes les annonces arnaques. On parle du Bon Coin et tout ça, alors. Voilà, moi bah, je l'avais trouvé sur le Bon Coin. Bah, mais, c'est pour ça que je dis ça, voilà. Ouais, ouais, non, mais après, il y a. Bah, on a fait confiance, mais la personne avait l'air totalement honnête aussi, quoi. Hein, ça, tu sais jamais aussi, ça, c'est pareil. Hein. Ouais, mais après, voilà, je me suis arrangé pour bien savoir beaucoup de choses pour cette personne. Et voilà. Donc la news, parce que du coup, vas-y. Voilà, donc la news, bah, c'est ça en fait. Vendredi 26 à 11h. Donc ils remettront un certain nombre, on n'a pas du tout le nombre de passes qu'ils vont mettre en vente, mais il y aura un certain nombre de passes vendredi 26 mai à 11h du matin. Donc pour les retardataires, ouais. Voilà, et ben ne manquez pas cette petite opération, hein, qui va être certainement bouclée en 10 minutes. Oui, hein, sûrement, oui, 10-15 minutes. On peut lancer des petits pronostics comme ça. Si on part du principe que c'est un vendredi de pont, alors là... Bah, en oui, plus, oui, non, c'est mort. Il va y en avoir des refresh. C'est ça, le fameux. Donc voilà. D'accord. Eh ben, c'est plutôt bien. C'est peut-être. Plutôt une bonne nouvelle pour les retardataires ou ceux qui n'ont pas pu avoir... Ou qui ont hésité trop longtemps. Voilà, aussi, et qui maintenant, ça, les groupes qui passent et veulent voir, admettons, Linkin Park. Ah. J'ai écouté un petit peu le dernier album de Linkin Park. Je n'aurais pas dû. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une erreur. Je fais des erreurs. Voilà. Eh ben, fallait pas. Très très bien. Moi, je tenais à faire une autre petite news, mais alors j'ai pas assez potassé. C'est juste pour dire que j'ai remarqué que sur la page Facebook ou même sur le site, ils sortent très régulièrement des interviews des groupes qui vont venir. Oui. Elles sont souvent très intéressantes. On apprend des petites choses et il y a souvent leur rapport avec le festival du Hellfest, et on se rend compte à quel point il est connu justement partout en fait, et que c'est pas un honneur mais c'est un passage obligé, quoi, que les gens veulent y aller maintenant. Ouais. Pour voilà. Donc ça fait plaisir. Je voulais pas C'était le petit groupe Agnostic Front. Non, c'était pas celui-là, moi c'était celui que j'avais eu le groupe autrichien de pas de hardcore mais de oui, c'est ça. Ah, c'était Beyond Creation, non, c'est pas sûr. Merde, on va le retrouver. On a beaucoup de groupes. Joe Meuble. Insanity Alert. Ah oui, là, c'est ça, voilà. Insanity Alert. Ouais. Donc, il y a eu une interview de ces petits gars-là. Bah, je crois que c'est la dernière, si je me trompe pas. Oui, peut-être. Ouais. Sûrement, ouais. As-tu été la lire Vite fait, je l'ai survolé un peu. Et en fait, ils sont super contents de venir, forcément. Voilà. Donc, ils demandaient. Enfin, le mec qui a interviewé demandait si le Hellfest allait pas leur donner un peu plus de notoriété, parce que du coup c'est un petit groupe, quoi, et ils aimeraient bien se faire connaître, donc ils sont super contents forcément de venir jouer. Ouais. C'est un grand honneur pour eux. Ils vont justement élargir un peu plus leur public, tout ça, enfin voilà, quoi. C'est en gros ils sont ravis, c'est un honneur pour eux de venir jouer, enfin c'est ça, quoi. C'est ça. Je te dis, j'ai survolé vite fait. Oui, t'as retenu le mot honneur, hein, tout ça. Voilà. C'est ça. Je l'ai peut-être dit plusieurs fois. Non, non. Tu couperas. Oui, mais de toute manière, tous les épisodes sont montés. Voilà, et découpés. et le micro est réparé. Aussi. Voilà. D'accord. Je pense que ça, c'est pas mal déjà. Est-ce que tu avais des choses à dire par rapport à des gens? Par rapport à des gens qui répondent pas présents, par exemple, quand on a prévu quelque chose. Oui. Ah bah attends, par contre, je tiens... Alors, voilà. Alors. Comme tu veux dire, des désistements de groupe. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Il n'y a que des désistements de personnes. Bah c'est ça, en fait, la semaine dernière, il y avait deux désistements de groupe. Cette semaine, c'est un membre du podcast qui n'est pas là et qui n'est pas remplacé. Parce que on n'a personne. Voilà. Non, par contre, je tenais à dire que de la part de Joe, son dernier message est « Tu m'excuseras tout de même ». Voilà. Donc, est-ce que ça s'adresse à moi, à Bob, à moi et Bob, ou à vous, public ? Je ne sais pas, mais « Tu m'excuseras tout de même ». Et je pense qu'il faudrait marquer ça sur sa tombe. Voilà, tu m'excuseras quand même. Épitaphe. Tout de même. Voilà, ça... Voilà, c'est... Donc, non. Ah bah ça, après, c'est à vous de juger, quoi, si... si vous l'excusez ou pas, quoi. Ah, mais ça, c'est vrai. Nous, on a... Si vous pouvez, éventuellement. Nous, on n'a pas encore décidé. Bah, on sait pas. Voilà, ça va... Je pense qu'on va tirer au sort à la fin. Bah oui, parce que... dans le petit papier, voilà. Oui ou non. Et ah, bah, on vous redira si on l'a bas ou pas. Ou on mettra non, et puis... Et non. Voilà, non. Donc, toi, c'est tout de suite vu, quoi. Non, non, non. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des imprévus, et c'est tout à fait normal d'aller boire de la bière ailleurs. Voilà, c'est ça. Non, je pense que je voulais dire, est-ce que tu avais des choses à dire à des gens autres? Moi, j'essaie de pas. Ah, mais bien sûr. Où tu veux le dire plus tard. Je n'y pensais même plus. Déjà? Non, mais oui. Ah, enfin, si, j'y pensais. Mais pas là forcément. Mais pas là forcément. Non, tu veux qu'on le dise plus tard à la fin? Mais non, on peut dire un maintenant et l'autre plus tard. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc déjà, on peut ne pas remercier Joe. Déjà, on ne remercie pas Joe de sa présence. Et on peut remercier par exemple Sylvain. Sylvain. Voilà. Oui, un grand merci à Sylvain, effectivement. Voilà, ouais. Qui nous a fait un petit coup de pub sympathique sur un certain groupe Facebook. Par contre, il y en a tellement de groupes Facebook que je ne sais plus lesquels sont lesquels, moi. Eh ben, moi non plus, en fait, du coup. Je suis perdu entre deux et j'arrive jamais à savoir lequel est lequel. Ouais. Donc, mais bref, oui, donc bah, je te laisse. Donc voilà. Et on peut remercier aussi. Attends. Non, je dirais, il fallait plus loin. Donc Sylvain a posté directement un lien sur un des groupes. Voilà. Ou peut-être même les deux, je crois. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Pas vu. Mais au moins un, c'est sûr. Où en quelque sorte, il recommande le podcast pour tous les gens qui veulent préparer leur festival. Donc déjà, un énorme merci parce que ça fait toujours plaisir d'être écouté. Voilà. Et surtout que je ne suis pas sûr que ce soit grâce à lui, mais par contre, notre audience a été multipliée par je ne sais pas combien de fois. Plein. Ouais, on a vraiment... Donc, un énorme merci. N'hésite pas à le refaire voilà. Autour de toi, voilà. En parler à ta famille. Et puis tous les jours si tu veux. Voilà. Voilà. Après, on verra. Hein. Peut-être que sur le coup, des gens auraient écouté et en masse et que personne n'écoutera derrière en se disant c'était de la merde. En tout cas, un énorme merci à toi, Sylvain. Vraiment. Ouais, merci. Tu as une bière offerte par Joe. Voilà. Pour le. Joe qui va fréquenter. On ne sait pas encore pour l'instant. Certainement. Il va se trouver un coin dans Clisson ou dormir. Oui, parce qu'il a ce genre de problème, Joe. Voilà, c'est-à-dire qu'il se laisse vite embringuer. Voilà. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément prévu de passer le festival avec lui. On arrive ensemble, ou potentiellement on repart ensemble. On ne sait pas encore. Entre les deux, on verra. Donc voilà, Sylvain, t'as une bière offerte par Joe. Voilà. Et par moi. Mais moi, c'est plus sérieux, moi, c'est vrai. Ah, du coup, pas moi, alors, ça ferait trop d'alcool. Ah ouais, c'est vrai. Bah, on peut. C'est vrai, il faut que tu fasses quelque chose. Cet enfant va finir par mourir, ouais, je pense. Au bout d'un moment. Il va laisser des ongles dans les pattes. Elle aura gratté tout ce qu'elle peut, et ouais, ça, c'est bon. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? T'étais en train de remercier Sylvain et t'avais quelqu'un d'autre à remercier. Oui, voilà. Alors, de son petit nom, je pense Facebook, Franchique Brazou, qui nous a envoyé un petit message. Ouais, aujourd'hui même. Et de son vrai prénom, François. Donc, pour nous remercier tout simplement du podcast. Voilà, il nous écoute, ça fait plaisir. Il nous dit gentiment qu'il a fait l'édition 2007, 11, 14 et qu'il fait celle de 2017. Ce qui veut dire qu'il a fait plus d'éditions que moi. Voilà, quand même, et pas qu'il mal. A fait le Fury Fest, tout ça, et qu'il a aussi bien constaté le changement, le confort qui s'est installé, tout ça, pour les festivaliers. Il trouve ça cool et c'est un gars qui fréquente la vallée. C'est ça, mais pas que. Mais pas que, et la Warzone aussi. Donc, autant du coup, je pense que d'après son message, il sera potentiellement là-bas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller lui payer une bière de notre part. Voilà. Donc, François, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un t-shirt Je suis François. Pour qu'on t'en trouve plus facilement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, encore une fois, Joe te paye une bière, bien évidemment. Oui, voilà. Je pense qu'il y sera aussi oui. À la Warzone. Donc, vous avez moyen de vous croiser. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on tient à remercier ces gens-là parce que mine de rien en fait nous on fait ça parce qu'on trouve ça cool et tout ça, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours et de savoir qu'on est écouté. on n'a aucune idée de à quelle échelle on est écouté, mais ouais. Voilà. N'importe si quel les gens retour, apprécient, voilà. Si on dit des conneries, sûrement, ce serait pas mal. On n'est sûrement pas assez exhaustif, on est sûrement à côté de la plaque les trois quarts du temps. Ouais, est... Certainement. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour. Voilà. Voilà. Mais soit dit en passant, on est le seul podcast non officiel du Hellfest. Non officiel du Hellfest, mais qui parle du Hellfest. Qui parle que du Hellfest, voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour les remerciements. Tiens, bah, tant que j'y suis, alors je n'ai, par contre, je n'ai plus le nom, mais je vais quand même essayer de piffer une recherche. Je ne meuble pas, moi. Hein. Ah, tu ne meubles pas ? Bah, je peux pas, là, c'est pas possible, je crois que j'ai épuisé. Ah, t'es sûr ? Bah, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, mais invente au pire. Monsieur Bricolage. Ah, Si, ils font des dressings, tout ça. Ouais, mais. Ah, bah oui, alors c'est gagné. Bah alors, ouais. Alors, non. C'est bon, il y est presque. Il y est presque. Je suis quasi. Ah, voilà. Voilà. Je tenais à faire un merci aussi à. Alors, Fab et Milou Info Podcast, qui est un podcast qui nous a. Qui nous a fait un petit coucou sur Twitter et ce qui a permis de mettre un petit peu aussi en avant notre podcast. Sachant quand même que moi je tiens à respecter deux choses alors, chez ces gens. J'ai mal. Bien, ouais. Ouais, ouais, mais c'était pas simple. Du premier coup. C'est que déjà, ils font un podcast qui dure 5 heures. Donc, déjà. Respect. Respect, hein, première chose. Et qu'ils ont une photo sur leur, sur leur Twitter où on voit qu'ils ont le matos qu'on aimerait tous avoir. Ils ont chacun un micro, ouais, un casque. Ils en ont 5, je crois, non ? 5 ou 6, hein, ouais, genre, ouais, qu'ils sont vides. Ah ouais, non, ils sont. Voilà, ils sont équipés. Mec. Ils sont équipés. Bon, par contre, les gars, ça, bon, on en reparlera, mais la, la saturation partielle, là, que le bleu et pas tout ça en noir et blanc, bon, on en reparlera. Aimes le bleu aussi. J'aime le bleu, mais ça se fait pas en photo, ça. Mais bref, non, juste les gars. Merci beaucoup. Ouais, merci, aussi, vous. Merci beaucoup à vous. Et allez écouter. J'ai écouté, c'est sympa. Par contre, ça brasse large, très très large. En 5 heures, ça parle de plein de trucs. Mais c'est plutôt cool. Donc moi, je vous conseille. Allez-y. Allez-y de notre part. Alors, si vous y allez et que vous les insultez, n'y allez pas de notre part. Mais non, sans déconner, voilà. Merci à. Assumer, tout simplement. Mais, merci à vous aussi, les gars. Et voilà. Tous les retours, on les prend, on les aime. Et. Bon, bah, eux, ils seront sûrement pas au Hellfest. Donc, Joe vous enverra un pack de bière. Voilà, tout simple. Dites-nous ce que vous aimez. Et Joe le fera. C'est pour lui. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres news ? Bah, il y a des petites interviews là, qui sont sorties. Autant pour moi. Des petites interviews qui sont sorties. Ouais, d'Alex Rebeck. Ah, la vidéo ? Ouais. Ah, je l'ai vu aussi, j'allais en parler justement. United Rock Nation. Oui. Ah, des collègues. Bah oui, voilà, c'est ça. Des collègues, tout des, à fait. Des collègues, des confrères. Tout voilà. À fait, on est dans le même. Donc, il y a oui, une petite interview d'Alex qui dure 21 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. J'allais revenir un peu plus. Bah, alors, toute la partie sur le culte, n'en parle pas là. Ouais. Parle du reste parce que bon, je vais revenir, j'ai noté les trucs. Bah, justement, je l'ai survolé aussi cette interview. Bah, en fait, je trouve qu'il dit à peu près tout ce qu'on a su, ouais. Voilà, par Ben, par beaucoup de choses qui se sont dites. Sur le fest, quoi. Toutes les ventes de billets, tout ça qui sont parties. Enfin, c'est. Ouais. Donc voilà. Et sur, il met encore une plus, je trouve, encore une fois, en avant le fait que c'est vraiment un festival qui est dédié à ses fans, quand même. Vraiment, ouais. Que tout ce qu'ils font, ils essayent de le faire, en tout cas, dans ce sens-là. Et qu'ils sont ouverts à beaucoup d'idées, de changements, et que c'est. Ça reste. C'est une interview intéressante, en plus, même si, ils sont dérangés tout le temps par les passages et tout. Mais j'ai vu. Non, c'est pas mal. Et donc, le plancher craque, surtout. Oui, aussi. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de parler de gens qui craquent ? Parce que oui, c'est des conditions d'enregistrement ici. Donc, à savoir que, donc, effectivement, Alex, t'as marqué bien le nom, Rebeck, c'est ça ? Rebeck. Rebeck, pardon, excuse Alex, hein, je suis désolé. Et en fait, il est directeur de la communication. De la com, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a aussi, alors par contre, déjà, j'ai pas du tout lu entièrement, mais il y a aussi une interview de Ben que j'ai vu passer. Ouais. Donc par contre j'ai pas assez lu donc c'est pas... une interview Canal Plus je crois Jack oui c'est ça ouais. Ouais. Tu l'as vu ouais. T'as tout là, j'ai pas tout lu c'est pareil j'ai survolé qu'est-ce que t'as j'ai noté un truc assez hallucinant enfin pour ma part le budget groupe par exemple est de 6 millions d'euros et les trois têtes d'affiche les trois plus grosses têtes d'affiche touchent entre 30 et 40% de ces 6 millions d'euros. Juste ouais. Les trois plus grosses têtes d'affiche. Voilà. Et là, je me suis dit, Putain la vache quoi. Donc ça veut dire que le groupe dont on peut pas citer, ils prennent vraiment cher. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Mais il est pas, il aimerait les voir sur les main stage quoi. Et bah oui. Ouais, il est pas, il aimerait bien. Bah il est pas contre, ouais. Ouais. Moi non plus d'ailleurs. Bah moi. Et là peut-être qu'on pourra éventuellement prononcer le nom de ceux qu'on peut pas prononcer le nom. C'est vrai, c'est vrai. Tu crois que ça lèverait la malédiction? Ah je pense ouais. Je sais, ça serait bien. Ouais. Ah, ce serait cool qu'ils fassent ça. Bah au moins pour nous quoi. Bah voilà, c'est coup, ça. On n'a pas forcément prévu de durer 10 ans, mais... Ouais, enfin, quand même quoi, au moins un bon 9 ans quoi. Ouais, ouais, un bon 9 ans, ouais, ouais, ouais. Bah j'ai signé un contrat, oui. Oui, t'as pas lu les petites lignes. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai entendu parler de saut de bombe. Ah, pop, faut pas trop dire ça. Oui, c'est ça. Je... Mais c'était principalement pour le Joe, ça. Non, c'est par rapport au fait que... partout où j'ai référencé le podcast, je ne l'ai pas mis en explicite. Donc il faut limiter les dégâts. Si on va qu'on se fasse striker par Internet. Voilà. Très bien. Donc bah, du coup, on va enchaîner avec le sujet, ce qui va être un mini-sujet sur le cult. Alors je vais dire mini-sujet parce qu'on a recoupé des infos, on a essayé de trouver, puis on n'a pas tout. Donc moi, je ne pensais pas que tu avais lu l'interview, comme il y a une très bonne communication au sein de ce podcast. Oui, tu vois, c'est ça qui est formidable. Donc bah, je pense qu'on va avoir les mêmes choses, à savoir que bah, c'est Alex Rebeck qui a créé le cult il y a 4 ans. Ah, tu fais comme si tu n'avais pas écouté le truc, en fait. Mais si, si, non, mais justement, quand je fais genre, ah, tu fais, découvre. Tu fais... Donc c'est Alex Rebeck. Ok, c'est cool. Ouais, en fait, c'est lié d'une envie qu'il avait de faire un club de copains. Parce qu'il trouvait que le côté fan club, c'est un peu désuet. Ouais. Que ça fait un peu ringard. Donc lui, il voulait vraiment faire un truc genre club de copains. Où il part du principe aussi que nous, on est tous fans de métal. Enfin, je dis nous, Alex, Ben, enfin voilà, genre. Joe. On est des confrères un petit peu. C'est ça, voilà. Totalement. Et qu'en fait, il explique qu'à la base, écouter du métal dans notre société actuelle, on reste quand même toujours un petit peu des parias, des mis de côté. Donc. À partir du moment où tu mets tous les paris ensemble, bah voilà, c'est toujours... Forcément, ça crée... Des gros tas de parias. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un peu partout. Et en fait, il voulait expliquer... ce qui est marrant, c'est qu'il explique que, donc, une fois que tu mets tous ces fans de métal qui adorent la musique et tout ça ensemble, et ben, il parle de plein de choses sauf de métal. Ouais. Donc, voilà, c'est... En fait, c'est des gens normaux qui écoutent du métal. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est et fou, donc, ça. En fait, quand ils se retrouvent tous ensemble entre fans de métal, bah, ils parlent de leurs gosses, de machin, de leurs chiens, et puis, bah, pas bagnole, plus de métal. Voilà. Ouais. Donc, c'est... Alors qu'en fait, à la base, les mecs sont chacun dans leur coin et veulent juste, ouais, je voudrais parler de métal avec des gens qui aiment le métal. Ah, tu fais quoi, toi? Ah, oh, c'est vrai, oh, moi j'ai des enfants aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Et donc, le principe donc, du cult, c'est pour. C'est un fan club, c'est le fan club officiel du Hellfest, où selon un tarif qui apparemment augmente tous les ans, mais donc c'est ça le problème, c'est que j'ai pas le prix. J'ai pas, s'il vous plaît. Voilà, enfin on n'a plus le prix, on le retrouvera, qui permet en fait d'avoir un accès au club sur le site lui-même, qui permet aussi d'assister à des soirées un peu partout. Il y a aussi un système de ce qu'ils appellent des chapitres. Donc, le chapitre, c'est pour fédérer plus facilement les membres du Hellfest Cult. Nous avons créé des groupes d'affinités par région et par passion. Alors, à chaque fois, chaque groupe est animé par des membres nommés des présidents. L'intégration dans un chapitre vous permet d'échanger et de partager sur des sujets communs. Par défaut, nous vous proposons de vous affilier à une antenne régionale active pour faciliter votre intégration et vos premières rencontres au sein de la communauté. Et ils expliquent que durant les 3 dernières années, beaucoup de disciples se sont démarqués par leur implication dans le projet en apportant une grosse dynamique, création d'événements, rassemblements, bénévolat, projet. Et après, ils disent que c'est libre à tout le monde de venir rajouter sa propre pierre à l'édifice en proposant de nouvelles idées, d'organiser les premiers événements. Voilà, ils expliquent qu'ils seront là pour aider à conseiller dans les démarches de tout ce qu'il faut faire. Tout ça dans le but de... promouvoir le Hellfest. J'allais dire dominer le monde. Mais après, ah non, bah peut-être, bah c'est la deuxième étape. Ah d'accord. Si okay. Tu promues le Hellfest, une fois que le Hellfest domine, bah après il domine le monde. Voilà, c'est ça. C'est un peu, mais c'est en fait c'est ça. T'as aussi le droit en cadeau tous les ans quand tu t'inscris, donc via une certaine somme. Bien sûr. Donc juste pour info, moi j'ai trouvé un prix de 2014, ce qui n'est pas possible vu que ça remonte à. Ben, bah si ça. Ça si, marche. Si si si si. 2014, 2014 qui ouais. Serait de 40 euros. Et toi, Bob, tu me disais que le dernier truc que t'as vu, c'était... Non, après, c'est pas sûr. Il y avait, non, il y avait ce petit truc avec le cercueil, là. Ouais. Avec, je crois que tu avais le. Alors ça, je m'en souviens avec, mais je crois que c'était peut-être un truc en plus, Mais je me non? demande si c'était pas la. Ah ben je sais plus. Ben après, franchement, tu vois, je n'ai plus d'informations. J'arrive pas à avoir J'ai accès à pas. certaines Non, informations non. sur ce truc. Bah, on les trouve pas parce que c'est Comme quoi, tu fermé. vois. Ouais, c'est Les louche. Illuminati, tout Ouais, c'est ça. ça. Domine le monde, les Ouais, les lapins. salauds. Alors, donc moi j'ai un ordre de prix de 40 euros. Je pourrais bientôt avoir l'information. Je l'ai demandé à des sources extérieures. Ah. Elles vont pas tarder. Ça se trouve même pendant l'enregistrement. Wow. Oh, ça serait fort. Du coup, tu as un codex. C'est comme ça qu'ils appellent l'emballage. D'accord, ouais, le codex. Qui contiendra un drapeau de 100 par 70, un porte-clés, un sticker, un patch, des sous-box et comme l'année dernière, un pass pour donner accès au club. Voilà. Donc dans le codex, tu as un truc que tu dois échanger contre un bracelet quand tu arrives le jour du fest. Ce qui est plutôt. C'est sympa, c'est un truc en plus qu'a pas forcément besoin, mais voilà, c'est pour. Oui, c'est pour être encore plus intégré dans le. Voilà. Alors ce qu'on a appris aussi dans l'interview, c'est que. Alex emmène en backstage pendant 1 heure, pendant le festoche, pour aller sur les scènes, même rencontrer des groupes et tout ça. Donc tu as le lieu privé du club. Et tu as aussi à peu près. Bon, alors ce qui se passe aussi dans le club, c'est que tu as des concerts tous les soirs. Tu peux prendre l'apéro et venir boire jusqu'à 4 h du matin. Il y a d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel du culte. Tu as des vidéos, des soirées, ça a l'air d'être un truc de dingue. C'est souvent des groupes de reprises d'ailleurs, de covers qui sont là-bas. Pour l'instant, il y a à peu près 1500 membres et lui il part du principe qu'il faut pas que ça soit un truc qui prenne trop d'ampleur. C'est-à-dire qu'il veut vraiment, il veut pas genre qu'on arrive à 10 000 personnes parce que c'est pas le but. Comme ils font souvent des événements ou des rencontres ou même des week-ends à différents endroits, ils se retrouvent il faut que ça reste à taille humaine pour pouvoir échanger et discuter. Lui, il disait que c'était important pour lui que ça reste un truc justement où il puisse venir répondre aux questions de tout le monde et qu'on se retrouve et que les gens se connaissent au bout d'un moment. Alors surtout si tu te relis en plus comme par les chapitres avec des passions et ta région, ce que je trouve en soi très bien pensé en fait encore une fois. Parce que effectivement, mettre que des gens fans de métal en partant du principe, bah, ils sont fans de métal, ils vont aimer le métal, ça va être ça le point central. En fait, non, eux, ils en ont choisi d'en faire un point de départ. Ils en ont fait un point de départ et après, ils font des ramifications en disant, bah ouais, mais t'habites là, mais t'habites là, mais tu peux aimer ça ou ça. Je veux dire, on peut aimer le métal et pas forcément être biker, par exemple. Je dis ça parce que c'est mon cas. Et qu'à un moment donné, justement, il explique C'est du roller. il peut y avoir des mecs qui sont plus geeks ou fans de ce genre de trucs et ça n'empêche pas d'aimer le métal. Et donc, tu peux te retrouver avec des gens. Qu'ont la même passion que toi et tout ça. Et bref, il explique que ça crée beaucoup de rencontres, d'amitié, il y a même des histoires d'amour, des trucs. Enfin, c'est vraiment le truc qui rapproche en plus. Bon, après, il y a le C'est fan de beau ce que bleu. tu dis. Hein? C'est beau ce que tu dis. Je parle bien la vie. Il faut pas se mentir, quand on voit le blouson culte qu'on a partout, il n'est pas gratuit ce blouson. Voilà. Non, Il est en non, plus, c'est un truc en plus qu'il faut s'acheter, non. qui n'est pas spécialement donné, je crois, en Voilà. plus. Non. Mais bon. Voilà, ça fait partie du truc, personne n'est obligé de le prendre. Voilà, donc c'est juste un truc en plus. Mais c'est comme en fait c'est comme le culte, personne n'est obligé de le prendre. Donc est-ce que c'est bien? Parce que j'ai vu énormément de commentaires de rageux pendant mes recherches qui disaient oui, c'est toujours des trucs à payer en plus, des machins et ça, mais sauf que personne ne vous force à le payer en plus. C'est exactement comme le principe du Easy Camp et tout ça, ce sont des options qu'on vous propose. Voilà. Et en fait, du coup, ça c'est pas critiquable. On vous propose des choses, vous n'êtes pas obligé de les prendre. C'est J'ai arrêté de justement. gueuler pour ça. Bah non, parce qu'il n'y a aucune raison de gueuler. Parce que. Il y a le seul truc à la limite que vous pourriez gueuler, c'est dire, oh, fais chier, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de mettre autant d'argent dedans. Mais après, ça, c'est votre problème. Je sais que toi, Bob, on en parlait la dernière fois, tu serais tenté d'essayer pour voir. Ouais. Mais moi aussi, en fait, j'aimerais essayer justement pour voir et avoir un retour d'expérience. Comme une investigation, tu vois, Exactement, vraiment. voilà. Aller savoir comment ça se passe et se dire, ah bah ouais, effectivement, le prix, ça vaut pas ce qu'on a eu, ou plutôt, en fait, moi j'ai envie de dire que cette expérience ne correspond pas à ce que j'ai besoin de quand je vais au Hellfest, ou dans d'autres festivals qui proposeraient des trucs équivalents. Mais c'est un truc en plus, c'est une option, et je pense que, moi, franchement, alors ça fait bien les mecs qui veulent défendre le fest et tout ça, mais il y a combien de festivals qui essayent autant de proposer de trucs différents et de choix? Voilà, c'est un truc pour vous, les gars. C'est un truc plutôt que Parce qu'on voit tout le temps à longueur de jour, de journée, sur des groupes, des mecs qui sont là à attendre le prochain fest dès qu'il arrive. Avec ça, t'as des événements tout au long de l'année. Bah voilà. Ouais. J'ai un pote qui est dedans. Il m'a dit cette année, les soirées, c'est des trucs de... Bon, apparemment, ça boit un peu. Hein. Ouais, en même temps, le métal boit un peu. Hein. Voilà, donc, mais voilà, donc c'était... C'est partie de sa culture. Donc c'est un petit peu le tour de ce que j'ai à dire sur le culte. Est-ce que toi, t'as d'autres choses que tu sais dessus ? Non, justement, c'est pour ça que je le prendrais bien, pour vraiment être... Mais c'est à sa sortie déjà, ça m'intéressait de le prendre. Ouais, mais après, moi, ce qui m'a arrêté, c'est juste le pognon, mais j'étais pas rageux en me disant « Ouais, fais chier, machin truc. Mm. » Donc voilà, non, franchement, c'est... Mais je suis partant pour le prendre et pour me rendre compte de moi-même, ce que ça peut donner. Ouais, je pense que ça peut être un plus à l'expérience. Comme participer à un warm-up. C'est vrai. Futurement. Ça aussi. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa, ouais. En tant que média, du coup. C'est vrai. Oh, hey. Pas mal. Oh. D'ailleurs, en parlant de ça, vraiment, chapeau. Parce que déjà, la tournée du warm-up est terminée. Et tous les jours, une vidéo de la veille montée, ouais. On voit tout ce qui se passe. Franchement, du coup, c'est encore Alex Rebecca qui fait ça, et je pense qu'il devait être bien crevé à la fin. Donc, c'est vraiment un truc. Certainement content quand ça s'arrête aussi. Ah, ouais, c'est ça, je pense, de souffler un peu. Parce, ouais, que... parce qu'après, il enchaîne sur le fest en direct. Non, franchement, c'est énormément de boulot de filmer, de monter, de rendre ça dispo le lendemain. Voilà, c'est... Techniquement, eux, à part un peu, on va dire, un peu de pub gratos, mais à ce niveau-là, à un mois du fest, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux gagner comme pub en plus, quoi? Donc le truc est déjà fait. Donc, ouais. Franchement, c'est cool, du plus, c'est du voilà, c'est du. Ouais, c'est top. C'est de l'éclat pour eux. Ouais, bon voilà. Écoute, on a fait un petit peu le tour de ce sujet. Hein. Alors, ça fait déjà 36 minutes qu'on enregistre. Est-ce qu'on part directement sur les chroniques, sinon? On meuble pendant... Tu veux qu'on fasse quoi? Une danse Écoute... Je sais pas, on peut parler d'autre chose. On peut parler de... Je suis un peu... Cathy Guetta, si tu veux. Pourquoi? T'as appris des choses? Non, justement, on n'a pas de nouvelles. C'est pour ça, ça m'inquiète un peu. Tiens, si j'ai une petite question, moi, tant que tu n'as rien à voir, comme je te disais tout à l'heure, j'avais écouté un peu le nouveau Linkin Park. Le podcast te prend beaucoup de temps pour écouter les groupes déjà des chroniques. Est-ce que tu as eu le temps de. Ou est-ce que tu écoutes d'autres groupes? Mis à part ce que j'écoute moi. En temps normal? Ouais, en temps normal. Qu'est-ce que j'ai là en ce moment? Je ne sais même plus ce que j'écoute dans ma voiture. Là-bas, je voulais faire un petit truc aussi. Mes 5 CD, parce que j'ai un chargeur 5 CD. Mettre 5 CD par semaine, tu vois, 5 CD par semaine. Puis. Mettre ce que j'écoute, c'est vachement différent. Et j'étais sur quoi là? Je ne sais plus sur quoi j'étais. D'accord. Tu vois, Devil Driver, un truc comme ça. Le dernier? Non, pas le dernier, non. Les anciens albums. Mais j'écoute un peu de tout en fait, vraiment. Vu que déjà, moi je suis Clutch, Primus, tout ça, je connais, j'ai forcément dans ma discothèque. Ouais, non, mais en fait, je dis. Enfin. Mais sinon, des groupes qui passent au fest comme ça, à part ce qu'on pioche, t'as pas. Difficilement. Difficilement. T'as pas... Moi je sais que d'habitude j'essaye d'aller tout écouter, cette semaine j'ai pas du tout eu le temps. En dehors des chroniques prévues, le dimanche, je n'ai rien écouté de nouveau. Quoi. Je me fais juste une petite overdose gentillette de l'Ultra Vomit. Ah, d'accord, carrément. Ouais, le dernier album? Ouais, ouais. Je trouve que le mec, le chanteur, a une voix. C'est impressionnant. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Moi, je sais qu'il y a des albums que je voulais aller écouter et que j'ai pas pu. Et je sais pas si on n'a pas dû en parler du tout la semaine dernière, mais il y a 15 jours, on a été voir le concert d'Ed Charger, oui, exactement. Au BBC à Caen, et avec en première partie Luzzo et après Winfield. La soirée était géniale, voilà, c'est tout. Ouais. Le concert était top. Ed Charger, ils ont assuré quoi, du début à la fin. Ouais. Voilà, donc c'est tout. Ils reviennent dans pas longtemps, au mois d'octobre. Voilà, ils sont partout de manière en ce moment. Bref. Oui, ils font des festivals, j'ai vu ça. Très très bien, je veux dire, c'est une bonne chose. Donc non, de mon côté non plus, j'ai pas écouté grand-chose et je suis en retard sur le dimanche. Ma playlist, mon running order du dimanche est loin d'être fait. Et pour ma part, Itou. Franchement, Là, mis à part ce que je te disais, je crois que si j'ai dû écouter vite fait Blue After Cult pour me remémorer un peu ce que c'était. Ah oui, Don't Fear the Reaper. Que je n'ai pas. Du coup, moi. Non, dans... parce que c'était. Alors, où est la feuille ? Bah, c'était Joe, je crois. C'est Joe qui l'avait. Hein. Ouais, ouais. C'est pas cette feuille-là ? Non, ça c'est la mienne, ça. Mais je crois que ouais, c'était Joe qui l'avait. Oui, c'était Joe qui l'avait. Alors, t'en penses quoi, Joe ? Ouais, dis-nous. Ok. Mais... bon, bah, on passe aux chroniques alors. Bah, écoute. Très, très bien. Donc, tu veux commencer ? Vas-y, commence. Très, très bien. Ouais. Alors, je vais commencer par. Où sont mes petites notes ? Je vais commencer par Crippled Black Phoenix. Le phénix noir paralysé. Oh, le pauvre. Ouais, non, ça arrive. 14h20, 15h, sous la vallée. Complètement l'heure de l'apéro. Je l'ai eu. Quoi ? On en a parlé, je crois, sur le premier ou le deuxième. Ah le, bon le deuxième, je crois. Mais c'est pas grave, vas-y, vas-y, rajoute. Non, bah ça... Justement, tu vois, t'as... Bah si, regarde, je vais là. Crippled Black Phoenix. Ah ouais ? Progressif, ah bah. Post-ambiant, expérience. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est pris sur leur site. Ce groupe est né d'un blizzard de chats à cornes. Tout à fait. Ouais, ça, tu ouais, je m'en rappelle bien, j'étais là, c'était un dimanche à 3h ouais. du matin. Ouais, il faisait peut-être un peu froid du coup. Ouais, bah, alors, c'est un groupe de rock à tendance progressive, expérimentale, post-rock, voire net psychédélia. Tout à fait. Mais c'est complètement j'y ça. J'y ai pensé ce matin. Donc, apparemment, alors, ce que je vais lire, moi, ça n'a pas eu cet effet-là pour moi. Le line-up de Crippled Black Phoenix a de quoi faire rêver. C'est cette partie-là qui est sur moi. Le projet est né de la volonté de Justin Greve, un ancien d'Electric Wizard, d'Iron Monkey, de Teeth of Lion Rules de Divine, et de son ami Dominique A... j'arrive pas à le dire. Bassiste de Mogwai, d'enregistrer des chansons qu'ils avaient en tête depuis quelques temps, et ceci avec des techniques d'enregistrement primitives. Voilà, moi ça n'a pas fait d'accord, ça sur moi. Dans une grotte avec des cailloux. Je sais pas, ouais, peut-être. Peut-être. Bon bah clairement les influences de chacun forment au final un ensemble de ballades folk mélancoliques parfois aux frontières du post-rock. Oui hein, ça c'est complètement ça hein, c'est de l'ambiante, c'est très psychédélique par moments, c'est très frontière ouais, aussi ouais. Oui. Ouais, c'est non vrai. C'est autant le dernier album je trouve a des morceaux qui passent alors, pour ma part plus facilement qui sont plus écoutables, autant dans les premiers, dans les débuts, t'as vraiment des longs trucs mélodieux, tout ça. C'est pas du tout désagréable. Ça s'écoute super bien, mais ça s'écoute vraiment plus comme un truc que tu mets entre deux. Un peu comme Dead Can Dance. Ouais, un peu dans ça. Dans l'esprit, ouais. Quoi. Ouais, un peu, je dirais un peu ça, ouais. Pas forcément dans le style de Dead Can Dance. Ouais, non, mais dans l'esprit voilà, où l'esprit, tu, oui. Tu mets ça en fond et que... Mais totalement ça, quoi. Du coup... C'est ce que j'en avais un peu retiré aussi. Donc, du coup, ils font bien de jouer à Sous la Vallée. Donc c'est plutôt un petit peu l'ambiance. Voilà. Je trouve qu'elle est trop ouverte d'ailleurs la vallée. Il devrait la faire. Être un petit peu plus fermée. C'est ce que je veux dire. Oui, on n'arrive pas à vraiment à profiter. Non, sentir la musique. Profiter vraiment. Non. Mais par contre c'est vrai que enfin c'est très agréable à écouter. C'est pas c'est ambiant tout ça. Tu pourrais. C'est pas comme le genre de truc où tu restes en dehors. Là, enfin tu rentres facilement dedans, c'est agréable. Mmh. Mais t'as vraiment des morceaux qui sont trop de ça, et donc du coup, bah, tu ne sais plus ce que t'écoutes. Les Monkey Tree, je crois, sont un peu dans l'esprit. D'accord, aussi, j'ai pas écouté. C'est super musical. Et, Bah oui, d'ailleurs, c'est. Oui, écoute les Monkey Tree. Ils passent cette année, je crois. Bah je crois, c'est pas. Ouais, ils passent, tu vois, le samedi, à 12h50. Hein ? Juste après Primitive Main. D'accord. Pardon, excusez-moi. Il y a pas, non, t'es pas. Et juste avant Bone Gripper. Ah oui, que j'avais écouté. Ouais. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que mes chroniques sont un peu nasses cette semaine. Tu fais ton job ? Non. Et ouais, non, t'as vu les clips, non, un peu ? Ah non, pas du tout. Ouais, les clips sont assez psychés, un peu. Ah ouais, ouais. Mais bien. Ouais, bah après c'est travaillé, tu vois. C'est, voilà. Tu vois bien que c'est pas. Ils ont pas posé leurs instruments, ils sont pas filmés. Ils ont pas pris deux casseroles pour faire du primitif. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, non. Mais non, ils ont travaillé les clips, ouais. C'est une espèce de petit dessin animé. Si je me rappelle bien, je crois que c'est des petits dessins animés. Ouais. Non, c'est vrai que je regarde très très peu les clips. Je vais regarder des lives des fois. Je fais un peu tout, moi je regarde les clips, les lives, tout ça, pour voir un peu l'esprit du groupe, l'ambiance. Il y a un truc que je faisais pas avant et que je devrais faire de plus en plus, ça reviendra sur un des groupes plus tard, mais c'est de. Dormir. Déjà, ouais. Ça c'est un truc que je devrais faire plus. non, c'est en fait j'écoute à travers les différentes époques du groupe. Ouais. C'est ce que j'avais fait sur un groupe la semaine dernière et cette semaine je ne l'ai pas fait, je l'ai fait juste ce soir sur un groupe en particulier. Je me disais, mais non, mais je comprenais pas en fait comment était classé ce groupe parce que pour moi ça sonnait pas du tout ça. Et en fait, j'ai compris quand j'ai écouté. Pour avoir l'évolution du groupe. L'évolution ou pas, mais vraiment la différence. Oui, ou la régression. C'est, en fait, c'est différent. L'album de même, maturation. Voilà, voilà. Alors d'ailleurs, le dernier Linkin Park, hein, c'est de la maturation. Ça, ouais. C'est... Ouais. Il a beaucoup trop maturé. Ouais. Non, non, non, mais ce que j'ai écouté, franchement, je suis tombé sur une chanson. Faudrait que je l'écoute quand même. J'ai pas, non, j'ai pas tout écouté. Hein. J'ai pas tout écouté. Ouais, ouais. Je suis tombé sur une chanson avec un rappeur et tout ça. J'adore les chansons avec les rappeurs. Ouais, bah, c'est surtout avec tout ça, moi, que j'aime bien. Mais, C'est vrai. Voilà. Donc, bah écoute, je t'en prie. Donc, moi, bah ouais, voilà, c'est, tu vois, c'est toujours la même chose que j'avais. Emperor. Voilà. Ton style préféré. Bah ouais, totalement. Black metal norvégien. Temple, dimanche à 22h55. Ouh, c'est tard. Ouais. Ouh. C'est pour ça que je pense que je pourrais pas aller les voir. Oh, pardon, j'ai pas dit. Tu vas les voir ou pas? Alors, ils passent en même temps que Hyrax et Skindr. Skindred? Ouais, Skindred. J'avoue que j'ai pas trop posé le pour et le contre. Ouais. Faudrait que j'écoute Hyrax et un peu plus Skindred pour savoir. Mais pour l'instant, je suis pas contre aller les voir. Mais j'ai pas. J'ai écouté vite fait Skindred en descendant dans ma cave. Et du coup, j'ai pas trop capté ce qu'il racontait. J'ai pas trop capté la musique non plus, mais je crois que c'est un mélange vraiment de ce que nous disait Joe. C'est un mélange de raga, punk heavy metal, enfin je sais pas trop quoi. Ouais. Mais j'approfondirai le sujet. Mais c'est vrai que je m'étais posé la même chose quand j'avais eu la chronique de Craven Creeper Black Phoenix à faire. Qu'est-ce que. Pourquoi ? Oui, mais du coup. Bah, on sera peut-être. Toi, tu voudrais aller voir ou pas ? Bah, je vais peut-être être à Leclerc là. Donc du coup je vais pas donc c'est pas que tu veux pas, c'est que je serai peut-être pas là, voilà. Donc, tu m'excuseras auprès d'eux, tu leur diras désolé et... Non, c'est quoi la phrase qui est de rigueur? Qu'est quoi la phrase de rigueur? C'est tu m'excuseras, ah ouais, tu tout m'excuseras tout de même. Voilà, donc ils sauront pas non plus, hein. Pourquoi? Si c'est auprès d'eux, si c'est auprès du public. Voilà, je ferai ça. Bah, je sais pas, moi. Bah, c'est sympa, en tout cas. Faut que j'écoute les deux autres. Moi, Hyrax, Altar, il y a peu de chance. Mais... Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon. Ça dépend, ça peut être... On peut avoir des bonnes surprises. Faut pas être... Ne faisons pas fermer le bas. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé pour finir. Donc... Non, en fait, parce que j'avais fini. Non, je suis désolé, j'accroche pas. Emperor, c'est propre, hein, c'est nickel, hein, c'est du black metal, c'est nickel, ils font leur taf, les mecs. Ça, ils font leur taf nickel. Les mecs, ils ne mentent pas. Non, voilà, c'est ça. Mais après, c'est pas ma cam. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur Emperor. C'est vrai qu'il nous manque de black metal. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est assez chaud quand même, ça me ferait peur. C'est des gens bizarres. C'est ça, il y a des églises. Ce que t'as écouté d'Emperor, c'était récent ou pas récent? Je peux pas te dire. non vraiment, c'est pas rebutoir, hein. Mais j'ai une capacité d'écoute d'à peu près 2 minutes. Et du coup, ça peut bien faire 3-4 morceaux, hein. Dans non, là tu parles pas de black metal. Non, je parle de grind. Ouais, tu parles de grind. Non, mais j'ai vu des morceaux de black metal qui étaient très courts aussi. Ouais, mais après mais par contre les mecs ils font le taf. Mais ils ont pas des gueules de black metal par contre. Ah bon ? Non. Je crois que si je me trompe pas, tu les vois sur la page du Hellfest, sur le site Hellfest, quand tu vas faire tac à tac, tu tapes Emperor et tu regardes les mecs, ils sont pas du tout des gueules de. Alors je vais faire tac à tac. Ils ont pas le maquillage noir et blanc. Ah, mais ce que je t'avais dit, Def Heaven non plus les a pas. Ouais. Donc ça, faut le dire. Mais ouais, non, mais je trouve que c'est important de le dire. Mais par contre, moi j'avais bien aimé Def Heaven, contrairement à. Ouais. Ah ouais, non, on prend par contre. Ah oui, non, pas du tout. Ouais. Mais oui, mais c'est normal. Bah oui, mais non, mais tu. Ah, il nous manque des infos sur Emperor, là, t'aurais peut-être dû rechercher, non? Il me semble. Bah, excuse-moi, moi j'ai vu Black Metal Norvège. J'ai pas été plus loin. Mais si. J'ai écouté quand même, mais ça a duré 3 minutes. Quand je te disais entre les premiers et les derniers, c'est parce que souvent dans le Black Metal, ce que tu te rends compte, c'est que ils gagnent un petit peu d'argent. Et ça se ressent dans le son, parce que les premiers disques de Black Metal, c'est. Ceux-là, ils sont durs quand même. Ouais. Ah, oui, c'est primitif. Voilà, ils retrouvent Crépule Black Phoenix. Voilà, ouais, ils se retrouvent et puis ils vont dans une caverne. Mais si, mais c'est le groupe de Issan. Ils sont hyper connus. Ils sont hyper connus en plus. Non, mais oui, Emperor est hyper connu, mais Issan, il est hyper connu. Il est même dans une question du jeu Hellfest. Tu vois. Mais non, mais il est... C'est... Oh, bref. Mais tu... Bah, je peux faire mon Joe, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Non, non, c'est très bien. Donc, Empereur, non, tu n'iras pas. Mais ben non. Donc, tu seras donc sur Linkin Park. Non, je pourrais peut-être à Leclerc. À 22h... Oui. Bah, je serai peut-être le seul connard, Leclerc, ok. Cathédrale, la cathédrale, l'ouverture. Voilà. D'accord. Ok, bah écoute. Bon, faut sortir, monsieur, maintenant. Alors, mon second groupe, où j'ai pas grand-chose à dire, apparemment. Ah, c'est alors. Prong. Tu critiques. Je connais de nom. Qui alors... veut dire broche ou volet. Ouais. Voilà. Le volet, le sport ou... Non, non, le volet. Le volet. Ah, le volet, d'accord. Voilà. D'accord. Qu'on ferme tous les soirs pour faire dodo dans le noir. Ou une broche que tu peux porter sur toi. D'accord. J'ai trouvé ça assez intéressant pour le souligner. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident de porter un volet sur soi. C'est du ça, coup. Du coup. Donc, il passe à 12h50, 13h30 sur Main Stage 2. Ah bon. Attention. Ah oui. Apéro. Et oui. Ah bah ouais, c'est ça. Et il passe en même temps que Ghoul et de Vintage Caravan. Personne n'avait Vintage Caravan. Non. Donc c'est quand même un groupe qui date de 86. Hein. C'est un petit peu des anciens. Hein. Mais putain, je connais de nom. Mais en fait, pour moi, Prong, c'était complètement de l'indus. Ouais. Parce que tout ce que j'avais écouté d'eux, c'était de l'indus. Ce que j'écoutais cette semaine d'eux, c'était de l'indus. Parce qu'eux, ils sont considérés comme un groupe de scène groove metal crossover américain. En fait, j'ai oublié de préciser son américain. D'accord. Et quand moi, ce que j'avais écouté, en fait, c'était totalement indus. Mais en fait, c'est parce que j'écoutais que des anciens albums d'eux. Donc, j'ai réécouté plus récemment. Et en fait, là, c'est plus du tout le cas. C'est beaucoup plus trash, metal, plus hardcore. C'est déjà beaucoup... en fait, j'aime bien l'indus, mais je détestais le son de Prong. Je trouve qu'ils avaient un son très particulier quand, de cette période-là. Et à chaque fois que j'ai réécouté là, dans la semaine... Chaque fois, ça m'arrêtait. J'avais un problème avec le son. Le son me gênait énormément. Et j'ai dit, putain, mais je comprends pas. J'aime pas, machin et tout. Et donc, j'ai été voir plus loin aujourd'hui, donc un peu sur le tard quand même. Et en fait, tous les albums après les années 2000 ont plus du tout ce son-là, sont beaucoup moins dans ce style-là. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable et c'est vachement sympa. J'ai beaucoup plus préféré toute cette partie-là du groupe. D'accord. Alors que pourtant, les titres, on va dire, plus connus, sont d'avant et sont... Parce qu'en fait, quand tu écouteras, ou je te ferai écouter un petit peu après, tu verras, tu vas dire, ouais, je connais, ouais, parce que c'est un son très très particulier ouais. Qu'on reconnaît, quoi. Tu sais, un peu dans le même style, alors pas dans le même style, mais en comparaison de sons que tu reconnais tout de suite, genre, tu reconnais tout de suite Fear Factory. Ouais. Tu vois, tout de suite. Ouais. Bah voilà, c'est un peu dans cette idée-là. D'accord. Le son de Prong, tu l'as déjà entendu, quand tu vas le réentendre, tu vas le reconnaître. Ouais, mais je connais ce groupe, mais... Donc, écoute, vu ce que j'ai entendu dans la semaine, j'aurais dit non, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a quand même plu et m'a donné envie de creuser de ce sens-là. Donc, The Vintage Caravan, j'ai pas du tout écouté, donc je sais pas, mais j'irai peut-être les voir. Donc, je me demande si c'est pas. Sans être sûr, je vais regarder, mais le mec de Sin Vicious. Mais je suis pas sûr. Quoi, The Vintage Caravan ? Ouais. Je suis pas sûr. Du coup, donc j'ai pas beaucoup d'autres infos sur Prong. Je dis des conneries, certainement. Mais c'est bien hein, ouais bah après voilà si t'as pas autre chose Ghoul t'as écouté non oui j'ai écouté ouais. J'ai beaucoup plus de choses à dire étonnamment sur Ghoul ah ouais en positif ou j'ai beaucoup plus de choses à dire d'accord okay. Non les mecs s'appellent Ghoul quand même faut pas déconner ouais c'est ça pour avoir des trucs positifs à c'est dire. Quoi c'est les mecs qui se sont fait virer de Ghost non ah non ils ont remonté un groupe. Oh, ça, non, je pense pas. Désolé. Non, je sais comment on va s'appeler. On va s'appeler Ghoul. Putain, on est original, mec. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais c'est quand même une sacrée histoire. Non, c'est déjà. C'est autant pour moi. Ouais, c'est clair. Ah, parce que bon. Voilà. Alors, tu vois, je dis des conneries, c'est en fait. T'as confondu ? C'est des petits jeunes. Et c'est islandais. Aïe, aïe, aïe, c'est pas du tout ce que tu pensais. Non. Donc. D'accord. Ouais, ça se voit, il y a les volcans derrière. Ouais, non. D'accord. Voilà, moi j'imagine que c'est parce que du coup on sera plus de ouais qu'on a écouté ouais bah écoute on va aller voir ça d'ailleurs ils font de la musique ces mecs là ils font quoi ils font de la musique c'est ouf ouais et tu veux savoir si c'était du stoner bah t'as pas regardé dans l'appli bah non je viens de regarder sur MTV le mec ne regarde pas dans l'appli alors bah donc je vais passer t'as fini ta ouais je trouve que c'est ouais d'accord oui bah Donc moi j'avais Equilibrium. Ah, excellent. Donc folk metal, death metal, un peu pag, un peu gan. Ouais, un peu gan, allemand. Oh. Temple, c'est donc gros manche à 18h35. D'accord. Pile poil à l'heure de... De l'apéro, là. Ouais. Ah, t'es complètement dedans, là. Bah là, c'est clair. Donc ouais, j'ai trouvé ça très épique. Bah, il y a toujours ce côté, moi, qui me fait doucement rire, mais voilà, tout en respectant hein, bien sûr, parce que j'aime bien en plus vraiment ce genre de musique, mais c'est plus le côté un peu jeu vidéo des années 90, tu vois. Je vois. Le côté quest, tu vois. Oui, d'accord, je vois. Ouais. Donc il y a un petit côté champestre aussi, qui est assez sympa, parce qu'ils ont une espèce de petit folklore entre deux, allemand, tu vois, qui est. Ah bon ? Ouais, non, dans le tout, ouais, mais c'est très dansant et que je sais pas s'il y a de l'accordéon ou je sais pas quoi, mais. Ah, c'est... Est-ce qu'on peut dire que ça aurait été un groupe pour Joe ? Disons qu'après, merde, c'est quoi qui est Sabaton. Sabaton, qui est très festif. Collectionner les chars, tout ça. Après, je sais pas trop s'il veut collectionner les... Bah si, peut-être les shops. Tu sais, les shops allemandes. La fameuse Oktoberfest. Donc, c'est ça que j'ai marqué. Ça donne envie de se prendre par les épaules et de lancer les jambes. Tu vois le truc ? Ah ouais, ouais. Tout en dégustant 5 ou 6 litres de bière bavaroise. Hey. Ah, donc c'est très festif. J'adore, non, franchement, ouais. C'était sympa, donc. Ouais, franchement, tu vois, s'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a, tiens, d'ailleurs ? Bah, c'est quand que ça passe, tu m'as dit ? Equilibrium, 18h35. Il y a Alter Bridge ou Trap and the Rice. C'est une chanson du groupe qu'on a parlé. D'accord. Autant pour moi. Et donc, tu vois, je vais l'entourager. Hop, Equilibrium. Ah, ça veut dire possible. Oui, je vais écouter Alter Bridge. Je vais réécouter. Ça fait longtemps que je sais pas. Bah, oula, dis donc. Et Trap. Under Rise. Oui, c'est. sur l'album Chevaucher Running l'éclair. Gag. Que. oui, qu'on n'a pas le droit de dire. C'est la 5. Grand connaisseur du groupe qu'on n'a pas le droit de citer. Voilà. Tant D'accord. qu'ils ne sont pas passés. Voilà. On peut rajouter ça derrière. C'est, oui, c'est oui, ça maintenant. Passe. C'est des problèmes. Donc voilà, non, je pense que Equilibrium, s'il n'y a rien et que je ne suis pas au Leclerc, je pense que. Je viens d'avoir un flash. Une révélation. Ouais. C'est... Je sais qu'on aurait pu inviter pour remplacer Joe. Zach. Mais on ne l'a pas trouvé, Zach. Non, mais si on l'avait trouvé. Ah putain, mais. Tiens, regarde, on va s'inviter Stéphane. Ah, Stéphane. D'accord. Ok. Attends, je vais la vider. Oui, mais dans ce cas, faut qu'on dise des trucs pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc toi. D'ailleurs, justement, comment dans le message de Sylvain. Ouais. Il disait que les mecs, ça se sentait que c'était pas des pros, tout ça, mais ce que je lui faisais gentiment rappeler, c'est que l'expérience fait. Voilà, fais la chose, hein, tout simplement. Sachant qu'en plus, on n'a jamais revendiqué d'être pro. Ah, mais complètement. Donc. La capsule est belle. Hein. La capsule est belle. Ouais. Alors, du coup, celle-ci. Alors, attends, parce que je vous en prie, je finirai celle-là après. Hein, c'est pas grave. Bon, on a le temps, de toute façon. Alors, le mélange des saveurs. Oui, elle avait un autre truc aussi. Putain, je. Oh, elle était numérotée, non, c'est j'ai pas lu, ça. J'ai lu poursuite de là, dit sur le côté. Poursuite de là. Attends, de quoi là. Là, j'ai lu mes deux. J'ai mal lu. Ah oui, poursuite de là, oui. Maturation ouais, jusqu'à ouverture. J'étais fatigué. Ah ouais. Putain, c'est quoi c'est, comment elle m'a décidé ça là Alors c'est très très radiophonique ce qu'on fait. Hein. Ouais, c'est clair. On s'en fout, on n'est pas pro. Hein. Et oh, arrête, hein, ça fait un peu. Chut. Faut le dire à personne. Elle est signée peut-être. Non, c'est pas ça. En fait, non, elle est complexe et aromatique. Ah d'accord, t'as lu l'étiquette. Ouais, pour ouais, dire. Moi, je. Ouais. Ouais. Écoute, on va voir si elle est complexe. Attends. Non, il manque toujours quelque chose. Il manque toujours un truc. C'est fou. Ouais, non, c'est dingue. Oh la vache. Ah oui, elle est pas du tout. Oui. Elle est vraiment complexe et aromatique. Elle est grave. Oh la vache. Bon. Voilà, c'était le petit intermède. J'espère que vous avez été pissé. Intermède, voilà, c'est ça. C'était la petite pause. C'était la petite pause pub. Du coup, donc j'enchaîne avec Ghoul. Attends, il y en a peut-être qui sont partis faire caca. On va attendre un peu. On va. Est-ce que c'était la peine de faire cette blague dans la chasse? Je ne sais pas. Allez, on enchaîne. Alors, Ghoul, midi 50, 13h30 sur Altar. Enfin, sous Altar, plutôt. Enfin, dans Altar. Enfin, devant. En fait, Altar, c'est quoi? Et c'est un mot que tu as. Ça passe en même temps que Altar, Prong. C'est une grande tente. Oui. Mais oui. Maintenant. Avant, oui, c'était un grand Y. Alors, en même temps que Prong et de Vintage Caravan. Du coup, alors. Ça, oui, ça passe en même temps, c'est ça qui est drôle. Alors la goule. T'as eu Prong et. Oui, la goule de l'arabe, c'est écrit en arabe, est une créature monstrueuse du folklore arabe et perse qui apparaît dans les contes de Mille et Une Nuits. Elles forment une classe de djinns comme les Efrites, par exemple, et sont donc à ce titre l'engeance du diable. Donc ça, on s'en fout un peu. Les goules changent de forme, prenant le plus souvent l'apparence d'une hyène ou celle d'une femme. De là à dire que les femmes sont des hyènes, c'est un raccourci que je ne saurais pas. C'est à peu près pareil en même temps. Je ne ferai pas ce raccourci. Mais elles sont reconnaissables à leurs pieds fourchus. Exactement comme les femmes. La goule affectionne les cimetières où elle déterre les cadavres pour s'en nourrir. Exactement comme les femmes. La goule hante aussi le désert sous les traits d'une jeune femme et elle dévore les voyageurs qui succombent à ses appels. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite partie histoire. Le côté folklore, hein, bien sûr. Voilà. Donc on ne sait pas grand-chose sur Ghoul car ils sont toujours vus en portant des masques. Les membres passent par des noms de scène, genre Crémator, Fermentor, Digestor et Dissector. Le groupe a une grande gamme de personnages dans leurs paroles, y compris les quatre d'entre eux. La plupart des informations à ce sujet proviennent du Curio Shop Owner, l'un des nombreux personnages mentionnés dans leurs chansons. Ils prétendent être des mutants issus de Creepsylvania. Alors, moi, j'ai été voir un live. Un sac en papier ne sera jamais un masque. Faut arrêter qu'on se foute de ma gueule. Ils ont tous des sacs pourris sur la face. Ce n'est pas des masques. Okay, ils sont déguisés, ils ont une espèce de truc. Mais c'est pas ce que j'appelle des masques. Après, comme ils sont habillés à moitié crachou et tout, ça va super bien ensemble. Oui, écoute, il y a des appareils Apple qui reçoivent des mails. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, à part ça, Ghoul est un groupe américain de thrash metal originaire d'Oakland, en Californie. Apparemment, les identités réelles des membres sont censées être dissimulées. On en connaît quand même la plupart, surtout qu'ils ont quand même changé pas mal de membres. Et il y a des membres de Impaln, Dystopia, Wolf in the Throne Room, Exhumed, Probia, Asunder et Morbosidad. Ça aussi un peu entre un mélange un peu entre le trash, le death et le grind. En fait, c'est surtout quand t'écoutes musicalement, c'est super sympa. Quand ça commence à chanter, ça chante en mode def, et c'est souvent là où il me perd, moi. Alors, c'est pas des sacs en papier? Je dirais plutôt des espèces de vieux collants dégueulasses. T'appellerais ça des masques, toi? Ouais, puis bon, leur tenue de scène, c'est des fringues. Hein. Ouais, c'est eux en crachou. Parce qu'ils ont des trucs de sang et tout ça. Ouais, c'est ça, il y en a un, il a un œil. Ouais, c'est ça, non, mais. Sinon, en live. En live, ça marche plutôt bien, attention. Hein, ouais. Mais c'est quoi? C'est du trash? Alors, c'est du trash, def, grind. En fait, le mec chante comme du death. Un chanteur de death. Hein. Ouais, et musicalement, c'est ça aussi entre le thrash et le grind. Et franchement, quand j'ai écouté musicalement, je trouvais les intros et tout ça, ça passait super bien. Ouais. Puis dès que le mec commençait à chanter, je trouve que ça n'allait plus. En fait, je ne dois pas aimer le death, je pense. C'est le constat que j'ai fait. La voix, c'est vachement important, c'est clair. Ça, c'est ce que tu as toujours dit, mais je pense qu'on peut justement aimer d'autres trucs. Toi, par exemple, ce que tu n'arrives pas avec le black metal à apprécier dans le chant. Musicalement, j'aime bien. Voilà, mais dès que ça chante en black metal, tu n'aimes pas trop. Ouais. Et moi, sur Death Heaven, j'ai réussi à aimer le côté, justement, parce que c'était... Enfin, je sais pas, j'ai aimé. Ce que je n'ai pas aimé sur Dodom's Guard. C'est différent. Donc, du coup, j'irai quand même pas les voir, hein. Ouais, bien sûr. Je pense pas. Mmh. Ou alors pour passer et voir si de plus près en live, j'ai dit, non, c'est vraiment des sacs à patates. Pour être sûr. Pour toucher. Oui, toucher. Excusez-moi. C'est de la jute. Excusez-moi. Le sac. Enfin, le masque, le sac. Non, mais voilà. Mais c'est. À part le chant, moi qui m'a gêné, sinon musicalement, je trouvais ça plutôt réussi. Mmh. Et donc, je n'irai pas les voir. Voilà. Eh bien, très bien. À vous-même, jeune homme. Merci à toi. Donc moi ensuite j'ai un groupe de néo américains et Jack va tout de suite reconnaître. Tu le gardes pas pour le dessert. Non, je le prends en plat de résistance. Je ne sais pas, en petit hors d'œuvre. Main Stage 2, Gromon, qu'est-ce que ça peut à 15h55. Et vous pas. Aurez tous reconnu mon groupe fétiche. Préféré. Mon groupe préféré, phare. Celui qui me guide dans le noir quand exact. Je suis perdu. À base de rythme mexicano. Que mon alternateur m'a lâché. Il Nino, voilà. Non, Il Nino. Il Nino. Je tiens. Ouais, excuse-moi. C'est ton côté latin. C'est ça. Par contre, ouais, un truc que j'ai lu, c'est que c'est quasi les mêmes membres depuis 20 ans. Et les mecs, ils se lâchent pas, c'est des vrais potes. C'est des vrais amis. Bah, ils sont tous comme ça, quoi. Ah bah, c'est des frères cubains. Hein. Ouais, je pense que ils doivent faire partie d'un gang. Hein. Ah ouais, tu crois qu'ils ont des tatouages? Ah, ils ont... ah oui, ils ont des tatouages. En méchant Sherlock et tout. Non, bah. Ok, c'est cool. Donc, le premier truc, j'ai écouté un morceau. Le premier truc, c'est Come Around. Et là, je me suis dit, merde. C'est pas What's Come Around? Ouais, peut-être, je sais pas. Il chante, il fait des trucs comme ça avec sa tête. Ah, t'as regardé alors? J'ai regardé le clip. Parce qu'en fait, ce truc-là, je l'avais sur un DVD Roadrunner. Avec. Avec Cole Chamber, quand c'était l'époque de Dark Days, tout ça. Voilà, il y avait tout. Il y avait Sepultura, il y avait pas mal de trucs. Ouais, il y avait Il Nino. Bah, et il y avait, je crois, si je me rappelle bien, il y avait aussi. T'avais pas Spine Shank? C'était pas Papa Roche, mais l'autre groupe, comment c'était si, je crois qu'il y avait Papa Roche en plus. Il y avait pas Spine Shank, mais ils ont pas été sur Roadrunner. Non, il y avait pas Papa Roche. Je pense pas. Non. Donc je confonds avec un autre. Spine qui doit Shank. Être. Non. Putain, Adema. C'est. C'était pas Corey Taylor qui chante maintenant dans ce groupe? Stone Sour. Stone Sour. Il chante toujours. Et il jouait, enfin, qui chante, voilà. Il y a toujours été, donc ouais. C'était lui à la base. Ok. Donc voilà, il y avait aussi ça. Il y avait plein de groupes ouais, qui me faisaient bien rigoler aussi. C'était sympa. Hey, parle bien des burritos. Non, mais en fait, Il Nino, le morceau, bah, justement, comme tu dis, bah, moi j'ai marqué Come Around. Non, mais c'est peut-être Come Around. J'ai un souvenir de What's Come Around, mais je me trompe peut-être. Hein, je vais vérifier en direct. Je suis pas un fan des mecs qui portent des vestes de jogging jaune, tout ça. Tu vois, et, ah, il y avait ça avec des dreadlocks. Oh, bah, oui. What's Come Around, tu vois. What's Come Around. Tu avais raison. Ouais. Et non, moi j'ai mis presque 15 ans à apprécier Korn, tu vois. Parce qu'au début, leur image me déplaisait beaucoup. Ouais. J'aimais pas ce côté un peu branquignol. Ouais. Mais voilà, après, une fois qu'on a dépassé tout ça. Alors donc, je suis toujours pas fan. Ça groove. Ah, de là à dire que ça groove. Ça groove. Je trouve pas. Non, tu confonds avec la salsa. Non, c'est ça, il y a un morceau, oui. C'est sérieux? Ah oui. Alors, tu me les feras écouter. Ah bah avec plaisir. Donc bah du coup je vais interrompre ma chronique tout de suite. On fait une pause dans le podcast. Voilà. Et hop. Moi j'ai marqué donc Come Around, How Can I Live, c'est ça? A quoi? How Can I Live. Oui, How Can I Live, oui. This Time For Real. Oui. Et j'ai marqué Bomba, trois petits points, ils font bien leur taf, c'est propre. Ouais, mais par contre t'as vraiment écouté les singles en fait hein. Mais je sais pas, après j'ai ouais, écouté non, ce qui se présentait. Mais tu me feras écouter vraiment ce non, que non, toi non, tu. Ouais, non, mais que je me fasse. Voilà, oui, non, parce que j'ai élargi ce. Ouais, non, ça reste ça du nu metal mainstream à mort, hein, faut pas se mentir. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas. Après, voilà, moi j'ai beaucoup écouté de nu metal et j'ai aimé ça pendant longtemps, donc je vais pas me cacher de honte. C'est, hein. C'est ton groupe d'avant. Non. Même de maintenant? Non, je veux dire, ça n'a jamais été le groupe. Un non, groupe non, mais que ça a été un de tes groupes. Oui, voilà. Dire, non, voilà. En fait, j'ai cru que tu allais dire un truc genre c'était ton groupe avant le groupe dont on peut pas parler. J'ai dit non. Ah non, mais non, je n'allais pas dire ça, bien sûr que non. Je ne me permettrai pas. C'est un groupe, en fait, j'aimais bien les influences mexicaines et tout ça qu'il y a dedans, le côté rythme cubain. D'accord. Qui est rajouté parce que tu n'as pas entendu, il y a des rythmes cubains un peu. Mais en fait, non. Mais je crois que j'ai écouté en fait sans vraiment écouter parce que je pense que j'avais un a priori comme beaucoup de gens. Voilà, tu t'aimes pas le métal quoi, c'est déjà de base. Ouais, de base, ouais, je suis pas client de ce genre de musique donc du coup. Après, ouais. Aujourd'hui, même si j'aimais bien, même si les premiers morceaux, je dirais que j'aime peut-être encore certains trucs, j'ai continué d'écouter hein, pour voir. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais à l'époque du nu metal, c'était bien. Voilà, ouais, c'était, oui, voilà. Je trouve que ça faisait ça. Comme tu dis, en fait, ça fait bien le taf quoi. Ouais. C'est ni méchant ni ça reste très facile d'écoute quoi. Ouais. Oui c'est ça parce que c'est propre voilà c'est bien, ils font pas un truc dégueulasse, tout est bien carré, tout est bien voilà donc ah oui non, c'est mais c'est... voilà tu vois ça m'a pas plus accroché que ça bon, mais bah, tu me feras écouter non mais je pense pas qu'il y ait vraiment petits, non mais si t'as un titre ou deux que tu peux me balancer en me disant tiens écoute celui-là bah c'est où je te dirais en fait c'est des morceaux hein, vraiment plus énervés dans leur discographie tu vois je dirais dire regarde ah, c'est plus énervé où il y avait plus d'énergie en fait, parce que c'était peut-être ce que j'aimais le plus à un moment donné. Tu sais, puis avec l'arrivée du nu metal, il y avait aussi tout ce système de manière de jouer de la guitare qui était plus basé au bout d'un moment que sur un doigt avec un accordage rabaissé pour faire vraiment un son. En fait, plutôt que de faire. J'allais faire un truc. Bon, c'est vrai que j'en parle. J'allais faire un truc visuel guitare. Visuel guitare. En fait, tu vois, si tu désaccordes cette note-là pour l'amener là, au bout d'un moment, t'as plus qu'à faire qu'un doigt. En fait, ça permettait de jouer qu'un doigt. Ouais, d'accord. Et tout le nu metal était un peu basé là-dessus, en fait. Enfin, une bonne partie du son. D'accord. Ça voilà. Et tu, c'est pour ça que tu reconnais un peu tout le son du métal de cette manière-là, de trucs de rythme un peu. Voilà. D'accord. Voilà. C'était la petite histoire. C'était la métal. Petite histoire. Non, ça serait très la légère. Petite histoire. C'était la petite histoire. La schématisée. Voilà. Donc tu n'iras pas les voir ? Bon, non, je crois pas. Hein. Attends. Non, j'irai pas les voir. En face, il y a quand même Beyond Creation. Ah, mais tu sais, bien. Et après, UFO Mammouth. Ouais, ça va. Hein. UFO Mammouth. Bon, après, c'est vrai que le nom ne prête pas forcément. Ah, bah pour le coup, en plus, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est assez étrange d'ailleurs, UFO Mammouth. UFO Mammouth. Hein. Et après le boulot ce soir, hein, UFO Mammouth. Ça va, on a une blague pourrie chacun. Bah ouais, bah quoi, hey, on est bien. Hein. On est pas mal. Sinon, c'est Joe qui aurait se fait toutes les albums. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il faut des Mammouth. Eh, hey, regarde, on dirait qu'il le dit, le mec. Il faut Mammouth. Oui. Oui. Alors, tu vas prendre de l'avance, là. Hein. Attends, toi, sa renommée à son statut de créateur d'une forme unique de sludge aux effluves psychédéliques. D'accord. À écouter. Ah, d'accord. Où l'ombre des visionnaires Pink Floyd reste omniprésente. Ils font bien de jouer sous la vallée, eux. Alors. Qu'est-ce que tu es mauvaise langue. C'est un peu vrai. J'en ai fait ma marque de fabrique. C'est ça. Je vais donc passer à Alter Bridge. Ah, tiens. Mais c'est con, c'est. Ah oui, non, d'accord. Si, c'est moi qui l'ai. Ah ouais. Non, mais je crois que t'avais les trous. Non, ça aurait été beaucoup quand même. Dis, puisque t'en as parlé tout à l'heure. J'aurais trouvé ça bizarre. Parce que ça passe en même temps que. Équilibrium, ouais. À 18h25, donc 19h25, Main Stage 1, on est pile dans l'apéro. Hein. Là, on doit être au deuxième saucisson. Non, premier saucisson. 18h25, on est au premier saucisson. Si, là, il n'a pas fondu. Exactement. Donc, Equilibrium et Trouble the Rise. Bon. Donc, il faut savoir que dans les années 95, il y avait un groupe qui se prénommait Creed. Un groupe très connu de l'ère post-grunge, qui a duré jusqu'aux années 2000. De ce groupe-là, le chanteur a fait une petite dépression parce qu'ils ont cartonné. Avec des titres comme Higher et With My Arm Wide Open, qui a été énormément diffusé après le 11 septembre. C'était un groupe qui passait partout, qui était ultra connu. Et donc le chanteur a fait une énorme dépression à cause de. Il n'arrivait pas à gérer le succès et tout ça. Et donc c'est le guitariste Mark Tremonti a décidé de reprendre le rôle de leader et avec le bassiste et le batteur, ils ont fait splitter le groupe, ils en ont recréé un autre avec le chanteur Miles Kennedy, un ex de Mayfield Four, et ils ont décidé de s'appeler Alter Bridge. Et là où on pourrait se dire, ok, bah il y a juste le chanteur qui a changé, mais ça va être le même son, ça n'a rien à voir. C'est bizarre quand même des fois. Ouais, ouais, non, mais ils ont les vraiment. Groupes il comme a ça vraiment... qui split, t'as juste les Zikos qui gardent. Et ben bah, ouais, mais Mark Tremonti n'est pas qu'un Zikos. Hein. Et en plus, lui, il a voulu splitter le groupe parce qu'il avait marre de se traîner une image de rock chrétien, ce que je ne savais pas. Donc, je ne savais pas que Creed était rock chrétien ou avait une image de rock chrétien. Après, je pense qu'il y a peut-être une. Aux États-Unis, c'est tellement beaucoup plus présent qu'en France que c'est. Oui, c'est vrai. C'est sûrement beaucoup moins insultant qu'ici, quoi. Ouais. Donc ils ont c'est un groupe de metal mainstream américain, ouais c'est moi qui ai rajouté mainstream, originaire d'Orlando en Floride, et bah c'est totalement mainstream, hein. C'est hyper écoutable, hyper efficace, hyper propre. Mark Tremonti de manière est un putain de guitariste, et il se trouve que Miles Kennedy aussi, il est chanteur mais il joue aussi de la guitare, il fait même des solos, ce sont tous les deux de super gratteux. La musique elle est tip top efficace vraiment, et le petit point en plus, en fait, c'est que Mark Tremonti en avait marre d'être que guitariste et il a formé un groupe qu'il a appelé Tremonti, que je t'avais fait déjà écouter parce qu'ils sont passés l'année dernière et ils ont été programmés. Et là, pour le coup, il est encore plus métal. encore plus bourrin, et pour ça je suis ultra fan. Tremonti, c'est vraiment génial, mais je trouve en fait le plus intéressant, c'est vraiment la différence entre Creed, Alter Bridge et Tremonti. Et donc j'aime bien Alter Bridge, j'aime pas tout, ça s'écoute super bien, c'est vraiment mainstream, mais très efficace quoi, c'est pas le mauvais côté du mainstream. Et du coup j'ai envie d'écouter Trap Under Ice, et je fais pas la blague, et Equilibrium pour savoir, mais sinon j'irai peut-être jeter un œil parce que j'ai vu Tremonti, c'était top de le voir. J'ai du mal à me rendre compte en fait qu'il peut être relégué au simple rôle de guitariste, tellement en tant que chanteur et leader de son groupe Tremonti, il impose en fait, je trouve. Moi, il m'a vraiment imposé de le voir relégué. Est-ce que c'est pas plus mal du coup qu'il ait créé son groupe lui? Ouais, mais justement, en fait, moi. Ça fait plusieurs, tu vois. Ouais, mais je trouve ça très bien, mais je voudrais voir. Je suis curieux en fait, c'est de le voir que guitariste. D'accord. Tu vois, d'être un peu en retrait. Et qui sait, peut-être qu'il va reformer derrière un groupe où il sera batteur, guitariste et chanteur. C'est des chances, ouais. Ça serait génial. Parce qu'en fait, le mec doit se faire chier dans la vie. Ouais, c'est ça. En plus, Creed s'est reformé entre deux albums d'Alter Bridge. Ah, ils ont ressorti un autre album. Ouais, donc ouais, il doit vraiment se faire chier. Ah, il doit se faire chier entre deux. Ça va pas avec sa femme, en fait. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais pas. C'est... Ouais. Non, mais. Et puis j'ai lu des interviews du groupe et tout, et les deux, donc le chanteur et le gratteux, ils se renvoient tout le temps des compliments pour l'un l'autre. Non, ça change en même temps des... Ouais. Que des coups de sac dans ouais, les non, puis les fin, ils ont l'air vraiment sympas, les mecs. Franchement sympas. Tu crois? Ouais, mais il a l'air. Ouais. Je dis pas qu'il l'est. Ah, si, on a omis. Tiens, je pensais à ça vite fait. Chanteur de Soundgarden. Mais bon, après, voilà. Oula, oui, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi je pense à ça. Ouais, mais du coup, c'est un peu gênant parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit que toutes nos pensées vont aux familles ou... Non, c'est juste que ça fait chier, quoi. Ah oui, voilà, ça fait c'est chier. Tout. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça que je veux dire. Alors, j'ai jamais été un grand fan de Soundgarden en soi, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une vraie putain de voix. Donc, ouais, donc bah, c'est l'aparté en fait, du coup. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan de Soundgarden. J'ai écouté, parce qu'à l'époque, voilà, c'est, il y avait pas autant de trucs qui passaient en radio, j'ai envie de dire à l'époque. Ouais, ouais. Et mais par contre, il a toujours une empreinte de voix tellement impressionnante et ouais. Marquée que voilà. Il fait partie justement de ces groupes qui, dont le chanteur a une voix reconnaissable ouais, parmi. Ouais, non. Et c'est une perte tragique parce qu'il avait encore sûrement énormément de choses à faire à la musique. Hmm. Mais ce qui est important, c'est que maintenant qu'il est mort, et tout le monde va écouter ce qu'il a fait. Voilà. Voilà. Donc, la partie est finie. Voilà. Donc, Alter Bridge, peut-être, du coup. D'accord. Voilà. Parce qu'ils sont sympas. Parce qu'ils sont très sympas. Ouais, c'est ça. Ouais. À toi. À moi. Donc, moi, j'ai. Coroner. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, Minuit, Altar, Suisse, Trash Metal. Oui, c'est cloisonné chez toi. Non, mais c'est, tu sais, je fais beaucoup de placo, tout ça. Ouais, oui, je suis un gars de la cloison. Moi. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est le premier concert de reformation depuis 15 ans de séparage. Attends, je marque le timeline pour effacer ta blague de merde. D'accord. Non, je rigole. Vas-y. Tu peux, hein. Non, elle est bien. Si tu veux, je la referai derrière pour ça va raccourcir le podcast, du coup. Elle est très bien. Donc, voilà, t'as même pas entendu ce que j'ai dit, quoi. Pour raccourcir le podcast? Non, qu'est-ce que j'ai dit sur qu'est-ce que j'ai dit sur Coroner? Sur Coroner qu'il venait de se reformer. Alors, depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Putain, t'as de la chatte. C'est vrai, c'est ça. T'as de la chatte. Ah non, j'ai entendu. Donc j'ai dit, pour répéter, pour ceux qui n'ont pas entendu, Joe, t'as entendu? Ah non, parce que t'es pas là. Donc, premier concert de reformation depuis 15 ans de séparage. Et c'est Hellfest qui font le premier concert de reformation. On peut dire ce qu'on veut sur Coroner. Mais ils font pas les choses à moitié. Mais du coup, ça devait être bizarre de booker ce groupe. Ouais, assez, ouais. Mais je sais pas. Coroner, non, ça fait 15 ans qu'on joue plus ensemble. Ah, pardon, non. Désolé. Attendez, on va bien venir. Non, mais attends, parce que t'as pas tout entendu. Alors, attends, je voudrais juste faire un truc, une petite aparté. Donc, depuis tout à l'heure, t'as sur que des groupes plus ou moins plus connus, t'as rien. Mais là, par contre, sur Coroner, t'as... Non, c'est parce que... Ouais, mais après, c'est parce que j'ai trouvé le truc assez... Marrant. Ouais, voilà. C'est ça. Vas-y. Mais c'est parce que j'ai rien de marrant à dire sur... Je suis un mec de la rigolade. T'avais rien à dire sur Il Niño? Bah non, parce qu'il igno. Ils mettent des baguilles, des chemises à carreaux. Ah ouais, c'est ça. Des sweats. Alors là, pour le jaune. Coup, je suis pas. Moi, j'en avais pas vu. J'avais plus vu des gros baguilles. Hein, c'est vraiment. Mais bon, ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est en nylon, là. En avec les zips, là, comme ça, qui ferment. Et donc, c'est un groupe créé en 83, splitté en 96. Aïe. Parce que manque de soutien de la boîte de prod et du mal à élargir le public. Comme notre podcast. Hein. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Manque de soutien. Créé en 2017, splitté en 2017. Donc voilà. Pendant plusieurs années, le groupe a refusé des propositions, surtout venant de festivals metal. Et pourtant, en 2010, le Hellfest annonce leur participation à l'édition 2011. Oh, étrange. Étrange. Puis dans une interview, Tommy, donc à la guitare, annonce qu'il recherche d'autres dates de festival. Étrange. Metal. C'est étrange. Oui. Mais bizarre, ils ont, tu vois. Mais le Hellfest les annonce, et après ils vont rechercher d'autres dates. Mais ça fait deux fois, tu vois. Mais ils ont, le Hellfest les. Mais ils ont joué en 2010. En 2011. Ils ont joué. Ouais. Donc ça fait pas 15 ans. Hey, mais c'est chelou ton truc là. Eh, non mais attends, parce que c'est marqué. Eh. Alors mes sources sont l'internet. Hein, alors les gars, il va falloir revoir un petit peu. Un petit peu des maths. Parce que... Attends, c'était peut-être. Non, ils voient dans le futur, je pense. Ça doit être ça. Je pense qu'ils voient dans le futur, les mecs. Donc en fait, non, ils vont se séparer et ils rejoueront dans 15 ans au Hellfest, du coup, dans 15 ans plus tard. Voilà. C'est ça. Donc 26e édition. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est quand même bien 27e, foutu. 27e, c'est la 12e cette année. Je... Ah, est-ce que. Mais non, ouais, je trouve que c'est bien foutu. Donc attends, donc ce que tu es en train de. Regarde, enfin, tu regarderas. D'accord. Mais note bien ce petit truc. Ce mais petit tu vois, truc, ça, attends, c'est bizarre quand même. Tu es en train de dire qu'ils ont été bookés en 2011. Ouais. Et après, ils ont recherché des dates qu'ils n'ont pas eues donc. Et donc là, ils sont rebookés par le Hellfest. Je ne sais pas. Voilà. C'est des mecs d'où ? Ils sont suisses. Putain, ça, c'est des gens qui connaissent des gens, ça. Ouais, mais je suis sûr. Mais je trouve ça bizarre d'ailleurs parce que les mecs ils savent déjà pas compter. Ah, il y a pas besoin. Pour c'est bizarre. Enfin, tu vois, à mon avis, les Illuminati, tout ça, c'est ouais. Encore. Tu vois. Ouais, on est pas loin du culte tout à l'heure. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Tu vois. Coroner. Metal Coroner. Vous faites partie du culte, on dit ça comme ça, mais si on dit du culte à ce coup, croyance religieuse. Putain, il y a un truc. Ouais. On est sur un dossier pour moi. On dit rien, ouais, mais je pense qu'on va creuser un peu plus. Ouais, mais en sous-marin. On va créer un podcast autre. Ouais. Donc, ça, on va l'appeler quoi alors Under the Road of Hellfest. On va faire un spin-off de notre podcast. Un spin-off. T'as Under the Road of Hellfest. Ouais, carrément. Ou Road to Submarine Hellfest. La vache, ouais. Ça devrait aider. Black Submarine. Road to Submarine, ça devrait aider. Ça n'a okay. Aucun sens. Ça n'a plus de sens du tout. Ok. Et donc musicalement, parce que t'en as pas parlé. Bah, c'est du trash. Enfin, c'est ça. Hein. Enfin, c'était. Ou ce sera. Du coup, on ne sait plus trop. Peut-être que dans 15 ans, ce sera du trash. Peut-être qu'il y a 15 ans, c'était du trash. Et peut-être que maintenant, c'est du trash. On ne sait pas. C'est un groupe qui est intemporel. Exactement. On ne sait pas trop où le situer en fait. Mais c'est, en tout cas, il donne l'indice 15 ans. 15 ans, 2011-2017. Voilà. Et le temps passe très très vite. Tu sais que tu m'aurais dit 2001, ça se rapprochait un peu plus. C'était pas les bons chiffres, on était plus sur quelque chose. Mmh. Ouais, je pense, ouais. Mmh. Oh, écoute, ouais. Tant pis. On n'est pas exhaustif. C'est comme ça. Et au pire, tu couperas. Et donc, tu vas voir ou pas ? T'as pas aimé ? Non, pas du tout. Surtout pas. non, mais les gars ont l'air sympas. Mais pas comme Alter Bridge, tu vois. Moi sympa. Moi sympa. Moi mainstream. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, ouais, non, franchement, non. C'est... Non, bah, voilà. Attends, t'as dit que ça passait à quelle heure ? Parce que, Bah, c'est tard en plus, c'est minuit. Bah, non, mais tu peux pas. Puis dimanche, je crois qu'à minuit, il y a Esprit Criminel. C'est vrai. Et puis en ce moment, la saison, elle est haletante. Ouais, totalement. Pas, ouais. Non, j'ai cru que t'allais me dire, ouais, à ce temps-là, en plus, il y a Hawkwind, mais non. Non, il y a Esprit Criminel. Attends, avec la fibre optique, hein, c'est la capture du réseau. Attends. Tu peux regarder TF1, c'est gagné. Ça se trouve, on va retrouver notre ami d'il y a 2 ans. Oui, avec plaisir. Totalement. Très bien. Alors, où est-ce que j'en étais, moi parce que On s'égare quand même. On s'égare beaucoup. Hein. Ah. Mais Joe n'est pas là pour nous recadrer. Mais c'est ça, coup, c'est lui hein. le maître charpentier. Bah, c'est lui notre Il Nino. C'est ça. Alors, Candiria. Nino, pardon. Alors, Candiria, ça passe à 16h45 jusqu'à 17h35 sur la Warzone. Alors, en même temps que A Day to Remember et Archon Amphostus. Donc, okay. C'est un groupe de métal américain de Brooklyn à New York qui mélange divers styles de musique, y compris le métal, le hardcore, le hip-hop, le jazz et le rock progressif. Et ils ont surnommé eux-mêmes leur son de la fusion urbaine. Et quand ils te disent qu'ils mélangent tout, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est hyper déroutant à écouter. C'est-à-dire que t'as des moments hyper métal, ça s'arrête, mais d'un second, tu fais... c'est un truc de dingue. J'adore en plus comment tu le fais. Non, mais c'est que tu verras, c'est complètement ça. Et puis j'ai peur que ça fasse un peu Scatman, mais dans l'idée, c'est un peu... Comment c'est Candiria, ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas désagréable à écouter, mais après, tu vas zapper sur une chanson... C'est déroutant, quoi. Mais c'est déroutant parce qu'après, tu tombes sur une chanson avec du vrai hip-hop. Et là, tu fais « Waouh !» C'est presque trop déroutant. Et du coup, en fait, ce que ça m'a posé comme problème à moi, c'est que je trouve qu'un groupe a quand même besoin de... Alors, j'ai sûrement pas assez écouté de trucs de l'ensemble de leur carrière, parce que je pense qu'il y a un chanteur qui a dû changer. Je suis tombé sur un autre truc où le mec, il gueulait énormément. Un mec en colère, quoi. Ouais, il était révolté. Ouais. Et, mais du coup, j'ai pas trouvé le lien qui me permettait de reconnaître le groupe. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'avais du mal à l'identifier, en fait, dans ce que j'écoutais. T'as vu des lives ou t'as... J'ai regardé un live, ouais. J'ai pas du tout aimé. Ah, parce que si tu dis que ça mélange tout ça, bah en ouais. Live, ça doit être coton quand bah même. C'est hein. Pour ça, en fait, je me suis dit, tiens, ça va être sympa, je vais regarder un truc en live, et le live m'a pas du tout plu. Je suis peut-être tombé sur un mauvais live, mais j'ai peur que ça passe mal, justement, le passage au live. Donc, ouais. À creuser peut-être de ce côté-là, mais ça mélange vraiment tous les styles comme énoncé. Hein. C'est pas des blagues, il y a vraiment de tout dedans. C'est. Comme dit rien. Ça passe, donc comme je dis quoi en même temps, Archon Amphostus et A Day to Remember. J'ai pas écouté assez A Day to Remember. Sinon, à la limite, pourquoi pas aller voir. Pourquoi pas. Je suis pas fermé. Je trouve vraiment la prise de risque intéressante. Ouais. Et surtout que... À voir si ça marche en live, quoi. Ouais, voilà. En vrai de vrai, quoi. En vrai de vrai. Mmh. Et si c'est aussi... si le mélange marche aussi bien que ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'à écouter, ça passe bien, mais... C'est troublant. Ça m'a troublé. Écoute, à voir, à creuser. À voir. Moi, je vais un peu tirer. Voilà. Tu l'as pas mis en bleu. Je l'ai pas mis en bleu. Bon, ben voilà. J'ai pas trop bleuté le dimanche. Ouais, non, je vois ça. Hein. Ouais, t'es plutôt blanché, là. Hein. Bah, je suis un peu. Ouais. J'ai des ouais, traits, t'as des doutes. Ouais. Ouais. Bon, j'ai entouré une igno. Hein. Ça, c'est. Ah, mais c'est parce que je l'avais. C'est pour oui, ça que tu l'entends. C'est ça. Je suis sûr que c'est. Donc, voilà. C'est bon? Oui, ou... c'est d'accord. Bon. Oui, là, c'est pas que je te. Ah non, pas du tout. Bah, tu sais, on est déjà 1h27, donc oui, c'est bon. Non! Si, ça passe. La vache! Donc, moi, j'ai. Je sais pas comment on prononce. S-H-V-P-E-S. J'bz. Aucune idée. Metalcore, Royaume-Uni, Main Stage 2, 11h40. Ah! Ouais, là, on est un peu. Ouais. Ouais. Ça passe. Tu connais ce groupe? Bah oui. Ouais, forcément. Non, alors je connais juste parce que j'ai vu une interview et que j'ai appris que c'était un. Oui, c'était le. Le rejeton. Le rejeton de monsieur Bruce Dickinson. Tout puissant. Exact. Voilà. Ouais, après, c'est vrai qu'il doit voyager gratos, quoi. C'est vrai. Donc voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire, c'est metalcore, c'est Royaume-Uni. Avec un peu de phrasé, de passage en rap, de ce que ouais, je Ouais, bah, voilà, j'aime pas. Mais ouais, je pense que je peux dire que j'aime pas. Bah écoute, de ce que j'ai écouté, j'ai pas aimé non plus. Voilà. Donc j'aime bien le metalcore en soi, donc, mais c'est, ça m'a, c'est, je trouve que ça n'apporte rien. Non, voilà, c'est. Voilà, ça va pas. Il n'y a pas de. Comme tu dis, ça n'apporte rien de plus, quoi. Voilà. Mais par contre, il passe directement en main stage. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas. Ouais. Mais. Non, c'est. Voilà. Mais à 11h40. Oui, voilà, c'est ça, il passe à 11h40. Voilà, et pour un petit set de 30 minutes, ouais. Non, oui, voilà. Ça va. J'ai été légèrement mauvaise. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais même complètement. Hein. Mais enfin, ouais. Ouais. Je sais que Bruce Dickinson a un autre fils qui joue dans un autre groupe. Et j'ai oublié le nom. Honte à moi. Oui, bon. Ils étaient en interview. On fera des recherches. Dans Rock Hard. D'accord. Donc, faut lire. Donc ça. Voilà, bah pour ma part, c'est vrai que ma chronique est assez courte, quoi. C'est le groupe du fils Dickinson. Voilà. L'un des fils. Voilà. Et ouais, d'accord. Donc, non. Non. Complètement pas, quoi. Même si on te paye des bières devant et tout. Bah, on peut me payer des bières derrière aussi, j'irai pas. Ok. Je vois pas trop où c'est derrière. Normal. C'est d'accord. Très bien. Bon, bah, je vais passer à mon dernier groupe. Five Finger Death Punch. Punch de mort à 5 doigts. Tout à fait. c'est sommaire comme tradition. Ou parfois abrégé FFDP ou 5FDP. C'est un groupe de métal alternatif, heavy metal américain, originaire de Las Vegas. C'est pas la même chose en français. Hein. Dans le Nevada. 5FDP, ça veut pas dire la même chose. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai précisé. D'accord. Ça fait un petit peu 5. Alors, formé en 2005 par le guitariste d'origine hongroise Zoltán Báthory. Et oui, c'est parce que moi j'ai des infos, monsieur. Et que toi t'aimes bien. Le groupe se compose de Ivan El-Moudi qui a annoncé il y a peu là se consacrer à son nouveau groupe. Et tout internet s'est enflammé parce qu'il a dit ouais, écoute FFDP, il s'en va. Il passe à autre chose. Pourquoi il coûterait FFDP ? Alors que je voulais dire quitter. Je me pose des questions. Et ben, il hésitait entre les deux. Et finalement, il coûte. Il coûte pas. Non. Il a écrit un... Ne coûtez pas. Hein. Ne coûtez pas ce podcast qui n'est que de la merde. Ah, il a dû faire un démenti pour dire qu'il ne quittait pas le groupe, que ça n'avait rien à voir, juste que bah à un moment donné il allait faire de la musique avec d'autres gens, mais que, voilà, ça avait parce qu'en fait il faut savoir que le groupe a un problème avec leur maison de disques, c'est un truc enfin leur ancienne maison de disques, ils ont des problèmes machin, et que c'est à cause de ça que il a dit bon, on a un peu de temps entre deux trucs, donc voilà. D'accord. Mais alors... après il fait ce qu'il veut le gars, quoi, s'il a envie de partir jouer dans un autre groupe et revenir, je veux dire, c'est, ils font oui, ce mais veut, il... en gros ça son... ses propos ont été considérés comme je quitte ah oui groupe. Totalement voilà oh, ça y est, tout le monde s'en fout parce qu'en fait c'est un peu comme Alter Bridge, un groupe assez connu surtout aux États-Unis, très mainstream aussi parce que ça s'écoute bien, le chanteur a une putain de cage thoracique et ce qu'il envoie il l'envoie bien. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup, je les ai vus il y a 2 ans, j'avais trouvé ça super en live, ça c'est efficace, c'est très bien. Il passe à quel... j'ai dit à quelle heure il passait, 21h55, ouais. 22h55, ouais, c'est parfait pour eux. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime moins les trucs du début. J'aime moins leur côté un petit peu trop patriotique américain. Ah, ça, par contre. Ça, c'est un peu trop prononcé. Le peu que j'ai vu, c'était ça. Ouais, non, ça. Ouais, mais, en fait, ça, c'est. Ça m'a plombé dans le. Ça, c'est dans leur culture. Tu vois, ce qu'on n'a pas, nous, on est beaucoup moins comme ça. Ouais. Mais eux, c'est très. Ils sont tous très comme ça, quoi. Dire, c'est pas rare quand les groupes ils vont jouer pour les soldats, tout ça, c'est dans leur truc. Oui. Donc c'est. Ouais. Voilà. Oui, comme les comiques qui se déplacent. Voilà, tout ça, c'est fait partie de leur culture. C'est leur culture, donc c'est pas comparable avec nous. Bon, bah ça passe en même temps que Metal Church et Clutch, donc je pense que toi. Ah bah non, moi je vais voir Metal Church, c'est sûr. Non, c'est Five Finger Death Punch. Ah pardon, oui. Non, les 5 FDP. 5 FDP. Voilà, non, bah c'est. J'ai pas grand chose de plus à dire. C'est un groupe qu'un jour ils étaient pas là, puis le lendemain ils ont vendu des brouettes et des brouettes de CD, ils étaient là et ils jouaient dans des stades. Voilà, donc. Là c'est étrange ça. Bah. Non, pas le complot. Ils sont... non, mais c'est. Moi je trouve ça hyper bien, je trouve leur musique vraiment bien et le chanteur a une vraie voix qui porte. Après, c'est très très. C'est très typé pour la radio quoi. Donc. C'est ça. C'est mainstream comme tu dis. C'est mainstream. J'aime bien ce mot, hein, mainstream. Hein. Ouais. C'est ça. Bah, moi, le peu que j'ai écouté, j'ai carrément du mal à accrocher. Quoi. Toi, mais. Oh. Mais voilà. Et pourquoi ? Je sais pas, je trouve ça trop. Ce que j'ai écouté. Hein. Après, ouais, j'ai non, pas tout après, écouté, je... mais les morceaux que j'ai écoutés, moi, c'était tout miel. Quoi. Bah, il y a des trucs qui sont vraiment trop, vraiment mainstream. Pour ah, vraiment, ça. Tu vois que c'est taillé pour la radio. Ah non. Je peux pas. Mais après, voilà, c'est. Oh, ouais, c'est... On voit bien. Ça fait. Si t'as des titres un peu plus. Ouais, j'en ai. Un peu plus tabassant. Alors donc, ça veut dire qu'à la fin de ce podcast, il faut que je te fasse écouter 14 groupes. Très bien. Oh, très bien. Non, que tu trouves 14 titres de 14 groupes. Aïe. C'est différent. D'accord. Mais des trucs un peu plus. Des trucs un peu plus péchus. Non, ils ont des trucs péchus. Bon, bah, donc voilà, un peu, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le groupe. Mais je te laisserai répondre à ton SMS. Et toi, du coup, Tu vas aller les voir ou... Bah, je les ai vus il y a 2 ans. Pour le coup, je pense que ils ont l'album qu'ils ont sorti depuis ou entre deux, ou il était déjà sorti, je sais pas, m'a pas plus motivé que ça. Donc, est-ce qu'ils vont pas reproposer la même chose? Je pense que j'irai peut-être jeter un œil sur un live récent pour voir s'il y a des différences. Sinon, clairement, j'irai voir Clutch pour bah, découvrir, parce que comme ils sont pas là tous les ans, enfin, ça fait un moment qu'ils sont pas venus, Clutch. Ouais, ils ont fait 2 albums sans venir se présenter au Hellfest. Donc ouais, non, je pense que j'irai voir Clutch. Physical Warfare. Ah, tu vois, Earth Rover. c'est quand même un petit peu toujours, hein, y a une vraie réflexion à avoir. Non, totalement, mais moi c'est clair que ça va être clutch parce que. Voilà. Bah, parce que déjà d'une. Bah, t'aimes bien, Ouais. déjà. Là, ça, il fait partie de mon top 5 quand même de tous mes groupes De la que vie. je les trouve trop super de la vie, Ah, quoi. bah oui, donc Ouais, c'est. à mort. Oui, donc ça serait assez cohérent, effectivement, d'aller les voir. Totalement. D'accord. Pour la troisième fois, pour ma part. De la vie ou du Hellfest? De la vie. D'accord. Ouais. Donc t'as été les voir ailleurs aussi. Tiens, c'est intéressant ça. Tu les as vus, tu les as déjà vus au Non, je les Hellfest? ai vus au Hellfest 2 fois, déjà. Ouais, et une autre fois ailleurs. Non, je devais aller les voir juste après Eagle of Death Metal à Paris. D'accord, donc tu les as pas vus 3 fois alors. Non, c'est pour la troisième fois, je vais les voir. Ah, mais c'est moi qui comprends pas en fait quand Oui, tu voilà, parles. c'est Non, ça. c'est ça, c'est ça. Quand Bon. je parle, Ah foiré. non, c'est ma faute, c'est moi qui Ah oui, comprends pas d'accord. quand tu parles. Oui, donc ça veut dire que je parle. Ah non, c'est moi qui comprends pas ce que toi tu dis. Mais toi, tu parles bien. Ah d'accord, Ah ah, c'est ouais, gentil. bah oui, du coup. Merci, c'est super Non, ça me sympa. fait plaisir. Hein? Découvre. Les mecs, ils Arrête. vont s'engueuler autant que moi. Bon, du coup, ton petit dernier groupe. Bah, pour ma part, c'est Integrity. D'accord. Integrity, groupe de hardcore américain qui passe en Warzone à 20h45. En même temps que Skoor et Prophet of Rage. Voilà, Un donc autre groupe faites mainstream, un votre peu, hein, tour. mais un Prophet of Rage. Secours. Ah, pardon. Oh, petite galéjade. Oh, comme tu y Tu vas. trouves que c'est mainstream? Prophet of Rage? Ouais. Ah, bah, je sais pas. Ouais, d'accord. Non, mais j'ai pas écouté plus que Ah, ça. bah, la chanson que t'as écoutée, tu as pas trouvé qu'elle passait partout? Ouais, si, un peu quand même. Quand même, hein. Ouais, c'est vrai. On est loin d'un Rage Against the Machine qui venait un petit peu révolutionner le Ouais, genre. on a bien reconnu. Ah, bah, ça, on le reconnaît, le petit Tommy. Ouais, c'est ça. Donc, Oui, pardon. Integrity, formé en 88, ce que je peux dire, c'est que les gars ont pas l'air tout jeunes. Pas moins de 19 personnes ont joué dans Integrity. Ah, ça fait partie de ces groupes-là. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai. Alors, si bah, j'ai bien compris, particulier de ce groupe, c'est. Bah oui, c'est ça. C'est assez bizarre. C'est qu'il y a 2 officiels. Il y en a 2 en CDI. Et il y en a 3 qui sont juste là pour les lives. D'accord. C'est étrange. Ok. Donc ouais, il y a 2 officiels et il y a 3 icos qui sont prévus pour les lives. Donc D'accord. c'est. Enfin. C'est bizarrement foutu leur truc. Bah ouais, d'accord, Donc j'ai c'est. écouté 3 morceaux et c'est vraiment du hardcore, hein. C'est du pur jus, c'est Ah oui, ça vraiment tape dedans, voilà. hardcore, c'est voilà. Et ça dépulpe grave les nichons. Ah, ça dépulpe Eh les ouais, nichons. eh bah ben ouais, c'est comme ça. Ah la Non, non, c'est vache. vraiment Donc hardcore. tu passes plus de temps à trouver tes petites. Non, non, non, ça Ah vient non. tout Ah seul. pardon, Ah bah excuse-moi. Ah c'est oui, hein. divin, tu vois, c'est Ah ouais, non, mais toi, ah, une t'as un lumière comme mec du ça. direct en Ah fait. mais c'est ça, Oh, putain, c'est c'est beau. totalement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Et donc Integrity, bah, ça passe en même temps justement comme tu disais de Mais oui. Skoor et Prophet of Rage. Ah, Bon bah dilemme. voilà. Bah, non, moi je pense que de toute façon il y a Clull juste après, je pense que je serai déjà sous la vallée. Ah bon, tu as même pas essayé de. Non, pendant les balances de clutch, non. Ah bon? Bah, c'est comme ça, si tu veux être devant, on a toujours procédé comme ça. Et Ouais. ouais, on se permet de louper un groupe pour Attends. dire. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on donne le conseil d'aller à gauche? Ah non, mais moi c'est au milieu en fait pour clutch. Ah bon? Ouais. Ah, tu vas Ouais. vraiment être, tu veux être Ah vraiment ouais, tout devant? Primus, bah, tous les groupes que je veux voir, c'est vraiment devant, au milieu. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Ouais, et puis je passe toutes les balances. Ah oui, d'accord. Ouais, à attendre. Ah, là tu passes en Non, mec quand. fan en Ouais, fait. en... voilà, c'est C'est ça. ça, en mode. Ouais, je passe en mode fan Et total. est-ce que vous n'auriez pas une baguette? J'en ai plus. Hey, tu te rappelles de cette petite anecdote? Oui, très sympa. Ouais, bah, il m'en restait qu'une. Bah Du du coup, coup, ça m'en oui, fait deux. c'est ça. J'ai une paire de baguettes. Voilà, Et tu je peux. peux en jouer de la batterie. Exact. Il me manque juste la batterie. Mais ça sert à Je rien, ça. demanderai la prochaine fois. C'est pas... Hey, est-ce que t'as une batterie? Il m'en J'en ai manque plus. une. Parfait. Bon, bah écoute, on arrive à 1h39. Donc, on Oh a dû mettre plus d'une heure de chronique. À la deux. vache. Ah Ouais, ouais, on à deux. craint, on craint, on craint, on Là, on craint. craint. Ouais. Mais c'est Donc, toi, tu t'arrêtes pas là avec. moi. Ah, t'expliques, t'expliques, Mais t'expliques. je. Eh, oh. D'accord. Moi, tous les gens qui ont écouté m'ont dit c'est bien parce qu'on apprend des trucs. Voilà. Eh ben dans ces cas-là, 1h39, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, donc on ne retire pas de groupe. On retire un groupe ou pas? Comment on fait? Parce qu'en fait, on a fini potentiellement de retirer le groupe. Donc là, normalement... Il doit nous rester une émission... Ah oui, alors déjà, première chose. Pas d'émission la semaine prochaine, à cause d'horaires compliqués. Pour votre part? Pour Joe. Ah, c'est lui encore? Bah ouais. Ah bah on le fait à deux. Bah non, on avait prévu qu'on le faisait pas, donc on a dit qu'on le faisait pas. Bah c'était prévu. Ouais, dans l'autre sens, c'était prévu aussi. Oui, mais c'est, si on alterne dans le... Ah non, mais on a dit, de temps en temps. Hein. Ah, bon. Voilà. Du coup, il nous restera donc une émission avant de partir au Fest. Donc, on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qu'il y aura dans cette émission. On en a un petit peu parlé avant de démarrer ce numéro-là. Donc, on verra. Potentiellement, il n'y aura pas de chronique de... Bah, sauf si Joe nous fait ses chroniques. Lesquelles? Toutes celles depuis le début? Ça va être long, quand même. Hein, ça. Non, celle de cette semaine. Ah, on avait à faire normalement. Puis, bah, je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on tire un dernier groupe? Un ultime groupe? Je sais pas. Ah. Mais ça sera un groupe que du dimanche. Moi, j'ai envie de verser ma larme Michette, quand même. C'est-à-dire, tu veux en tirer un dernier? Bah, ouais. Comme tu pleurer vois. À chaud de larmes dessus. En fait, t'espères tomber sur un groupe? Non, non, pas du tout. Non, non. C'est juste pour le plaisir. Tu vois, c'est le groupe ultime, le dernier. Et là, je vais tomber sur... Secours. Et je kifferai ma maman. Oh bah tiens, The Dillinger's Campaign. Oh, tu adores ce groupe. Le groupe justement sur lequel je voulais pas tomber. Avec Secours. Ah mais tu connais Secours? J'ai écouté un peu. Ouais. Ah bon, et alors? Ah oui tiens, oui, ça fait partie des groupes que j'ai écouté. Ouais, alors je te demande, ouais. Oh, ça va. Ah, mais c'est... Ouais, j'ai écouté, ouais, vite fait. Ah c'est Temple, hein, ils sont bien placés. Ah là. Emptiness. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On cherche. Altar 11h40. Oh. Altar 11h40. Oh, Emptiness. Ouh là là. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a assez dit de bêtises. Tiré de groupe. Et assez de conneries pour ce soir. Ouais, c'est vrai. Donc, que c'est bah, petit coton, hein. On se retrouve dans 15 jours. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que quand vous écouterez cet épisode, il restera plus beaucoup de... Non, pas du tout. Quand vous écouterez le dernier épisode, il restera plus beaucoup de dodo avant d'aller au Fest. Putain, ouais. Ça joue les deux. Bien joué, bravo. Alors, je sais qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, mais on en parlera sûrement offline, c'est du fait qu'on poste sûrement les épisodes trop tard. On les poste le lundi, alors qu'on devrait les poster plus tôt pour un... Bah pour les infos, quoi. Voilà, pour les infos. Mais bon, peut-être que ça sera changé lors d'une saison 2, si saison 2 il y a. Peut-être. Ah, ouh. Suspense. Bon, bah, en attendant, une bonne soirée à vous tous. Bob, une très bonne soirée. Joe, voilà. Attends. Oh quoi ça non c'était bien. C'était bien. Ah, j'adore. Ouais, franchement. Et puis bon bah à bientôt. Bah écoute, bonne soirée à tous. Salut.